Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui, bah bien sûr, Adrien, je t'ai surpris. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés. 2022 a été son année. Je peux pas vous dire mieux. En plus, son spectacle qu'elle a joué tous les samedis au Point Virgule, on l'a vu au cinéma dans En même temps de Carl Vernet et Lépine. Elle a prêté sa voix à une araignée dans le film d'animation Les Bad Guys. Elle sera dans le programme court comme des gosses, pardon, sur M6. Il ne lui reste plus que la sculpture sur bois et l'ASMR, et elle aura touché à tous les arts. C'est Douli. L'ASMR, jamais. Et tu détestes ça? Ah, je déteste ça. Ça te met pas bien? Ça me rend ouf. Ouais. J'ai envie de crever avec ça. Tu sais qu'il y avait vraiment un truc, une japonaise sur Instagram, j'ai oublié son nom, et elle collait sa tête dans des miches de pain pour te détendre. Mais vraiment, tu sais, et genre comme ça, elle se mettait et pff, comme ça, elle te faisait toutes les miches, quoi. Miche molle, miche complète, miche de croustille-miche. Tu pouvais choisir. Michel Onfray. Elle a collé son visage dans Michel Onfray. Ça a été son plus gros buzz, hein, je crois, à l'époque. Je crois. Scénariste et directeur artistique du studio Bagel, par ailleurs, a été... Ah, c'est moi. Non, bah. il a également été le showrunner de la série Groom et le co-créateur des tutos de Camille. Il accompagne Jérôme Niel sur ses projets. Il a d'ailleurs travaillé sur son One Man Show, qui Jérôme va jouer un petit peu partout. Mais malgré toutes ses qualités, son pseudo Twitter reste Triple Axel. Et c'est dramatique. Ouais. C'est Axel Malibert. Pas si mal. Mais est-ce que je l'ai pas changé sur. Non, ça n'a pas bougé. Mais tu n'as pas tweeté depuis 2017. Donc ouais, voilà. En même temps, voilà. Mais je crois que SML m'avait engueulé parce que je l'avais changé justement. Alors, peut-être c'est sur Insta. Ah oui, non, parce que là tu es toujours triple Axel. Eh ben, il reste sur Twitter. Twitter. Ouais. Voilà, bah. C'est moins pire que Valentin Vincent qui s'appelait Andrew Bignol quand même. quand on l'a connu, c'était son pseudo. C'était Andrew Bignol. Quand on avait joué, je me souviens, je sais plus à quel jeu sur PS4. Bah tenez, on se donne les pseudos. Ouais, alors moi, mon pseudo. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Il est d'hier et de demain, bien trop beau. C'est Adrien Méniel. Ah. Quand Dieu les grosses têtes. C'est toujours. Totalement. Toujours. Chers amis, les news du Floodcast. Au Japon, par exemple, je vous le donne en mille, un café d'un nouveau genre a ouvert ses portes. À votre avis, quel en est le concept? Un café à paix. Non. Mon cauchemar. C'est ce qu'on... Mais en même temps, le rêve de certaines personnes. C'est ton cauchemar, mais. C'est ce qu'on peut y boire qui est particulier. Pas du tout. Okay. Est-ce que c'est un être vivant qui fait partie du décor? Non. Non, oui, c'est pas comme les bars à chat, ouais, voilà. Comme ça. C'est... J'allais là-dessus aussi. Ah, vous avez fait ça déjà ou pas? Ouais, non. Mais non. Alors c'est nul. Mais non, mais les chats s'en foutent, royal. Oui. Ils ont vraiment choisi l'animal. Ah oui, oui. Non, et puis là, vraiment, pour le coup, le chat s'en branle, quoi. Et puis ça pue, faut le dire, ça pue le chat, quoi. Ah oui, bah oui, totalement. Ah, c'est naze. Oui, parce que bar à chien, pour le coup, tu peux rien faire, quoi. C'est juste, ils te donnent un bar à chien. Il demande tout le temps ton attention, ça pue vraiment oui, beaucoup. Oui, mais à la limite, bon, ça fait. C'était une petite un calinade. Chien, ça pue, arrête. Oh, ton chien pue. Pas du tout. Mais arrête, de la bouche. Ah, de la bouche, c'est un enfer. C'est atroce. Non, là, c'est plus le concept du bar. Voilà, je vous dis. Alors, est-ce qu'on peut dormir là-bas? On peut pas dormir. Ça, j'avais vu à Paris, il y avait des bars à sieste, j'avais vu à une époque. Ouais, ah oui. Bah, ça m'intéresse. Ouais, mais j'avais. Alors, j'ai eu comme toi. Putain, je crois qu'il y a ça à côté de chez moi. Et la minute d'après, je me suis dit. Le gars un peu ronfle. Dégueu, peut-être. Hein, peut-être. Ouais, ça dépend à quel point ouais, il change ça. Les. Ouais. Ouais, mais t'es dans un endroit clos où tu dors à côté des gens. Au milieu. Ouais, non, je sais pas. Bah, c'est non. Je sais pas du tout comment c'est fait. Je pense que ça doit être. Mais bon, ils sont à deux doigts d'inventer l'hôtel, en fait, quoi. Ils étaient à ça, les mecs. T'es dans une pièce, bon, on a mis quand même une salle de bain et tout, pour pas que ce soit juste un truc où tu dors. Okay. Par contre, faut prendre la nuit entière. D'accord, ok. Hôtel, et bon. Si vous voulez, il y a le petit déj, mais c'est plus cher. Ouais, voilà. Payer. Et tout le monde est avant 9h30. Ouais. Ouais, voilà. Alors, c'était une blague de Groom qu'on a jamais mis, que j'aimais beaucoup, qui était sur. On partait du principe de mais pourquoi ça finit si tôt les petits déj d'hôtel, quoi. Et il y avait un truc tout, genre, faut rendre la chambre à 9h et le petit déj s'arrête à 10h. Je me souviens, c'était un. C'était l'intrigue principale de la saison 3. Voilà pourquoi il n'y en a pas. Il y a encore des gens qui me demandent s'il y aura une saison 3, donc Axel, on profite que tu sois là pour. Rester connecté, ça va arriver très très vite. Ça arrive lourd. En NFT. Non, malheureusement. En NFT. Malheureusement, non. Est-ce que c'est un combiné de boire du café plus une activité qui rend le truc original? Non. Boire du café. Est-ce qu'il y a une activité physique qui est liée à cet endroit? Alors, pas vraiment, non, pas une activité physique. Est-ce que tu te fais taper? Alors. Ou insulter? Alors, non. mais ça pourrait arriver vu le concept du bar. Mais est-ce c'est que pas tu ça peux que détruire tu... des trucs. Non. Ah, pas mal. Ça, ça, c'était la vidéo de. Il y a un concept à Paris de ça. Ouais, tu rentres dans une salle et tu pètes oui, tout. Ah ouais, mais c'est nul. Parce que... ouais. Mais oui, parce que genre, c'est 100 balles pour péter une télé. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Oui, en fait, moi, je. Non, mais tu vois, t'as envie de tout péter ou rien du tout. Moi, quand on m'a dit, ouais, comment ça s'appelle déjà? Des rage rooms ou des trucs comme ça. Moi, je pensais que vraiment, c'était vraiment, il reconstitue une vraie pièce et tu pouvais tout péter. Et là, c'est vraiment un truc dégueulasse, tout vide. T'as une cagette posée avec une télé qui est déjà cassée. Tu peux taper dans la télé. Hein. Tu vas dans le square d'à côté, c'est réglé. Il y a deux vases, une assiette et il fait bah tu peux tout casser. Hein. Bah, il y a trois trucs. Donc, Une vidéo qui a moyennement vieilli avec Mr. V d'ailleurs, où il était guest sur la chaîne YouTube de Will Smith et c'est lui et Will Smith qui pète tout. Et du coup, maintenant, après coup, tu vois Will Smith cracher beaucoup de rage. Ah, oui. Et c'est assez marrant de le voir après coup. Tu dis oui, il avait des petits problèmes. Par rapport à la gifle, tu parles. Par rapport à la célèbre gifle. On va faire tout un petit segment là-dessus. Bah pendant la tournée, on a le sketch de la gifle de Will Smith. J'en ai écrit un pour MST, je te rappelle. il était hilarant juste à ma décharge. Ouais voilà. Il était. Non là c'est vraiment un, c'est quand même le concept du café. C'est un concept qui pourrait complètement arriver en France. Le côté japonais, c'est juste je pense que c'est avant-gardiste, mais il y a pas de, c'est pas par rapport à la culture japonaise en tout cas. C'est nazi. Non, je m'explique. Je veux dire, c'est en Asie plutôt. Oui, non, mais je m'explique. Il y a un truc, les Japonais, enfin, c'est pas tous les Japonais, mais il y a des jeunes qui s'habillent, qui sont très lookés, machin, et qui portent des croix gammées. Genre, ah oui, ouais, c'est ouais, vrai. Mais à titre décoratif, un peu. Oui, mais, oui bien mais, évidemment. Mais comme les punks des années 70, ils mettaient des croix gammées, mais c'était pour dire justement, on se réapproprie le. Ouais. Ça n'a pas marché. C'est quand même bizarre. C'est quand même très resté Hitler. Alors, c'était vraiment. Collectif. Non, c'est que lui qui garde le. Le copyright reste à Hitler. Ouais. Hein, de toute façon. Ou alors c'était vraiment des skins qui se faisaient gris. Oui, non, c'est on est des punks. C'est pas punk, c'est plus skin. Ouais. C'est plus skinhead. Ouais. Ouais. Parce que punk, c'était pas vraiment. Ouais. Quand elle a dit est-ce que c'est une activité physique, t'as dit pas ouais, vraiment. Ouais, non, c'est pas une activité, mais c'est physique. Non, c'est pas une activité. C'est une activité, oui, mais pas physique. Ah. Est-ce qu'on est sur des jeux de société? Non. Non. Ça, il y en a donc plein c'est un truc coup, qui mais... peut. T'as dit, ça pourrait dégénérer en baston, c'est ça que t'es en train de dire? Ah oui, c'est ça. T'as dit, est-ce qu'on peut se faire insulter? Ouais. Le gérant du bar. Des gifles, c'est pas le truc de gifle là. Alors il y a pas de gifle, mais c'est vrai que ça c'est un truc qui existe aussi en Asie. Je sais que j'ai des amis à moi y étaient allés. Si tu pas de famille et ça. Simplement. Non, pourquoi on va dans des cafés? Pour boire des coups, pour échanger. Pas de wifi, hein. Ici on se parle entre nous. Hein. Enfin, là, moi j'adore est-ce le petit ardoise. Ça a rapport avec une alcoolémie très élevée? Non. Pas du tout. Non, c'est pas ça. Mais quand on va dans des cafés, parfois c'est pour. Boire discuter. Des cafés. Non, d'autres draguer. Choses. Draguer. Non. Bosser. Des débats, des cafés de débat. Ah, travailler. Bosser. Pour bosser. Et pourquoi? Alors, qu'est-ce que propose ce café à votre avis? Je vous y amener. Il t'aide dans ton taf. Il bosse 5G. À ta place. Non. La 5G. Tout simplement. Alors non, quelque part, il t'aide, mais d'une façon un peu plus hardcore. Il te fouette. Enfin, il te motive. Genre, il te force à être productif. Wow. Genre, si t'es en train de glander, il te tire les cheveux. Exactement. Je veux y aller. En tant que client et en tant que mec qui tire les cheveux. Il te fouette un peu. C'est un BDS. Non, parce qu'il te fouette pas. Non, il te fouette pas. Il te fouette de la cire sur le gland et tout. Enfin, c'est. Ça mais tu vas. Tu veux finir ton exposé, putain. Et puis le trou de balle et tout. Je m'en fous que tu sois en 5e. Mais le taux de réussite au bac est énorme. Est énorme. Le Genko Shipistu Café, littéralement café d'écriture de manuscrit. C'est un café où on a le droit d'entrer que les personnes qui ont quelque chose à écrire. Alors, pas forcément un manuscrit, mais ça peut être un manga, des illustrations, une thèse, un scénario, un exposé, bref, tout travail créatif. Quand on entre, il faut préciser l'objectif que l'on s'est fixé dans un temps imparti et on l'inscrit sur une carte. Tant que ce but n'est pas atteint, on ne sort pas. Ah, génial. Ça ne marchera jamais en France. C'est un café anti-paresse, ce qui part du constat que les cafés et les bibliothèques ne sont pas des lieux assez studieux. Personne ne vérifie la progression ni l'encourage. Ici, on est privé de distraction et on n'a pas le droit à la paresse. Le patron veille au grain. Je vérifie toutes les heures la progression du travail. Un prof, plus ou moins. Je demande si ça a avancé. Au Genko Shipitsu Café, on paye au temps passé, moins de 5 euros pour 2 heures. On boit du café et du thé à volonté. On peut apporter de quoi manger, mais on doit travailler. Oui, c'est un espace de coworking nazi, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'était pas mal. Ils reviennent. Je suis pas sûr que ça fonctionne en France. Tu penses? Bah écoute, après, projet à Paris, avant c'était les cigarettes électroniques, maintenant il y a des espaces de coworking tous les jours des nouveaux. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ça, moi, le truc à côté de chez moi. C'est un espace de coworking où tu peux faire des siestes aussi. Enfin, ils font tout. Il y a la Silicon Valley. Mais c'est VG en plus. Et bah, enfin, tu m'étonnes. Donc, bah ouais. avec Gaucho. Mais cela dit, moi j'avais dit que j'aimerais bien avoir un robot qui me force à bosser et tout, donc c'est pas loin quoi. Pourquoi pas un humain au final? Au final, je sais pas, ça me dérangerait plus un humain. Parce qu'un humain, je lui dirais, bah toi, mais tu fais quoi en fait? Bah, il bosse, il te force à bosser. Oui, oui, bah, c'est comme proprio, c'est pas un métier. C'est vrai. Qu'est-il arrivé de surprenant à un Irlandais de 66 ans après un rapport sexuel avec sa femme? Et ce n'est pas, il l'a fait jouir. quelque chose de surprenant qui lui est arrivé. Il n'a jamais débandé. Si, il a débandé. Il n'a plus jamais débandé. Non. Non, les couilles ne sont pas rentrées dans sa femme. Elles sont restées à l'extérieur bien poliment. Non. Elle ne l'avait pas invité à rentrer ses couilles, elles sont restées dehors. Je suis dedans, oui. Parce qu'il y a les couilles avec. Visiblement. Complètement disparu, Jean-Michel. Il les a utilisés comme chausse-pied et puis. Bon bah. Mais l'espace à l'intérieur est énorme. En loi Carrez, on est à combien? C'est fou. Il s'est passé un truc physique? Plutôt mental. AVC? Pas un AVC. Il s'est souvenu d'un truc. Alors, il a une vision. C'est rigolo. Alors, t'es sur la bonne voie, mais c'est pas la bonne réponse. Il a oublié un truc. Que amnésie. C'était sa cousine. Non. Tu as la bonne réponse. Amnésie. Il a été victime d'amnésie. Un Irlandais de 66 ans. Le prétexte pour jamais revoir la meuf. Désolé, j'ai complètement oublié qui t'es. Alors, on se connaît, donc désolé. C'est vraiment pas. Tu vas voir, c'est pas juste une meuf qui l'a pécho, c'est vraiment sa femme. Depuis une heure, l'homme inquiète sa famille. Il explique au médecin qu'en voyant sur son téléphone l'heure et la date, il a oublié de célébrer son anniversaire de mariage qui devait se dérouler la veille. Or, les festivités ont bien eu lieu. Bon prétexte. Et plutôt pas mal, oui, puisqu'il a ken sa meuf. Comme le confirme l'épouse et la fille du patient. Bon, ça, la fille qui confirme, c'est bizarre. Ouais. Le reste. Ils ont baisé, hein. Je confirme. Papa et maman. Ah, bah ils ont baisé. Ah, ils ont grave baisé. Il l'a doigté au début, vite fait. Normal, hein. Il a mis les deux couilles. C'est papa, hein. Ça reste papa. Grand doigteur, papa le trempeur de couilles. Le reste de sa mémoire est intact, mais il n'a aucun souvenir de la journée précédente. J'ai été conçu avec les couilles dedans. C'est pour ça que je fais pas les choses à moitié. C'est pour ça que j'aime bien mon petit confort, c'est qu'il a vraiment la bite posée sur les deux couilles. Il a qu'une journée de blackout. Journée d'amnésie. Ah, ça va. Alors ça existe, c'est quelque chose de connu, ça s'appelle tout simplement. Être ivre mort. Non, mais c'est vraiment. Le prétexte, c'est que. Enfin. Il a dit ça, mais ça tombe le moment où il a oublié son anniversaire de mariage. Alors, c'est expliqué. Non, après avoir ça s'appelle être un énorme mytho. Justement, les médecins ont passé un IRM. Ça s'appelle l'amnésie globale transitoire. C'est une perte soudaine et temporaire de la mémoire concernant des événements ayant eu lieu avant, pendant et parfois après le déclencheur de l'amnésie. Et ce sont des déclencheurs qui peuvent être de l'hypertension, qui peuvent être, un effort violent, disons. Donc là, bon, bah, y a eu un effort violent, tu vois. Ah ouais. C'est une info, c'est pas une info Mediapart, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire que le mec ne jouit pas souvent non plus. Non, ça doit être assez rare, ouais. En tout cas, il est posé, peut-être sur ses couilles d'ailleurs. Sur deux gros poufs. Ouais. C'est quelque chose qui dure en moyenne entre 1 et 8 heures, mais dans des cas plus extrêmes, elle peut durer jusqu'à 24 heures. L'amnésie globale transitoire apparaît la plupart du temps chez des hommes âgés de 50 à 70 ans et peut être conséquence de tout un tas de facteurs, stress, effort physique intense, comme je vous le disais, une immersion soudaine dans l'eau froide ou un rapport sexuel. Voilà, c'est quand le corps vit de là à mobiliser des journalistes pour raconter ça. Non, mais moi je pense que le mec a lu. Là-dessus, une fois qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié son anniversaire de mariage. Non, ils l'ont fêté. Il a rien oublié. Ils l'ont fêté. Ils ont ken pour célébrer ça. D'accord. Et quand il se réveille, donc ça aurait vraiment servi à rien. Donc vraiment, ça faisait partie de la célébration d'un truc. Bah écoute, comme tous les ans, on va baiser. Le jour est arrivé. C'est bientôt l'été. Déjà pas mal, cela dit. C'est bientôt les vacances. Le blog de voyage Park Sleep Fly a dressé le top des pires attractions touristiques du monde. Alors quand je dis attractions touristiques, c'est par exemple la Tour Eiffel, c'est considéré comme une attraction touristique. Bien sûr, j'espère bien. Elle a dressé ce top. Attends, c'est quand même notre fierté française. Ça est Daft Punk. Gustavo, Romain Duris, non? Je crois bien. Donc le site a dressé ce top en se basant sur le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que grâce aux différents avis sur Internet, ils ont pu voir la note globale des avis Google, mais aussi par rapport au prix du billet d'entrée au truc. En faisant cette moyenne, pouvez-vous me citer plusieurs des lieux touristiques présents dans ce top, à votre avis, dans le monde? Dans le monde. Alors attends, c'est le rapport qualité-prix. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que les gens ont payé une somme le billet d'entrée et ils ont fait, sans déconner, au prix qu'on paye. Bon, je pense pas qu'il y ait la Tour Eiffel, déjà parce que tu l'as cité et parce que, bah, en vrai, c'est pas si cher et que quand même quand t'es là-haut, c'est quand même. Machu Picchu. C'est ça, alors le Machu Picchu n'y est pas. Mais la Tour Eiffel, dis-toi qu'elle est dans le top 10 justement des meilleurs, dis-toi. Mais bien sûr. Rapport qualité-prix. Bien moi, sûr. J'en ai une qui est gratos, mais qui était tellement éclatée que même, enfin, que le rapport qualité-prix. C'était quoi? La sirène à Copenhague, la sirène de, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ça t'a marqué. Walt Disney, Walt Disney. Non. Bon, aller voir la petite sirène à Copenhague. La petite sirène de Copenhague, mais c'est la petite sirène. Mais si, mais il y a un écrivain qui a écrit un truc. Bon. J'ai gagné un concours de lecture en 5e, ok. Andersen effectivement avait inspiré pardon du conte d'Andersen, la petite sirène, statue de bronze sur un rocher dans le port de Copenhague, dans le parc Churchill. Très loin et sans intérêt. T'as pas kiffé. Très loin, bah, très loin de quoi? Non mais très loin du centre et Google Images fait très bien l'affaire. Ouais. Bah moi ça fait ça avec le Mac and Peace. Genre oui bon bah c'est une bite de gosse, on a bien fait le tour hein, mais voilà c'est rigolo. Alors ça n'en fait pas partie. Non. Est-ce que tu peux nous donner des indices? Je peux vous donner le top 10 déjà, des meilleurs. Ah, des meilleurs. Ah, des meilleurs. Je peux vous le donner. Ouais, la première place, c'est la Grande Muraille de Chine, ok? Devant le Taj Mahal, la Cité Interdite de Pékin, le Château de Prague en République tchèque, la Tour Eiffel de France, le Grand Canyon des States, le Pic Victoria à Hong Kong, le Colisée de Rome en Italie, l'Acropolis d'Athènes et Cocorico, le Louvre en France. Bah, je crois que j'en ai fait 3. Ouais. Moi j'ai jamais fait le Louvre. Moi j'ai un peu merdé. C'est pas moi, hein, tu dois y aller. Non, je sais. Des bouts quoi. T'as déjà fait toi? Bah, ouais. Plein de bouts, mais pas mais, tout. Mais hein. T'es team musée toi ou pas du tout? J'aime bien les musées, chérie, mais du coup, ce qui me saoule, c'est les files d'attente et ouais. Trucs comme ça. Faut y aller en semaine quoi. Ouais. Genre tôt le matin en semaine peut-être. Moi je veux un peu prendre. Est-ce que t'es team se lever tôt aussi? Pas du tout. Moi je veux un peu. Nocturne. Je veux un peu pranker ma fille, moi, quand elle sera plus grande. Je veux faire plein de photos au musée Grévin. Avec elle bébé et toute sa vie, lui faire croire qu'elle a croisé plein de stars dans sa vie et dire que j'ai perdu le disque dur. Mais parce que et lui dire vraiment parce que. T'es Jean-Pierre Jeunet en fait. Non mais c'est juste. Et genre je fais des photos quand même avec 2-3 vrais connus et que je retrouve en disant mais non, quand t'étais bébé t'as croisé Adrien Méniel, Adam Sandler. Je lui montre des vrais quand elle grandit et je fais mais il y en avait plein d'autres, t'as croisé Adrien Méniel, genre ah, attends le mec est à Carrefour qui. Pourquoi tu. J'ai croisé le mec du Carrefour d'en bas qui dit attention, hein, les soldes se finissent dans 10 minutes. Mec en tête de gondole, d'accord. Bon, bref, et lui faire croire qu'elle a croisé Tom Cruise, etc. Et que ce soit en fait les trucs du musée Grévin. Tenir un prank sur 20 ans, c'est ça qui me. Qui après, me tu. Il y a quand même de fortes chances qu'elle fasse. C'est une statutie en fait. Oui, je lui dis au bout de 20 ans, je lui dis j'ai perdu le disque dur. C'est ça que alors, moi, tu me l'as déjà raconté cette idée, et j'ai toujours pas compris cette histoire de disque dur. Mais non, mais tu dis. Vu que t'as les photos, tu les as. Non, tu lui montres pas les photos. Pendant 15 ans, tu lui montres pas les photos. Tu dis, on a plein de photos de toi quand t'étais petite. On a donc croisé c'est stars. C'est genre le Père Noël la décevoir, en fait. C'est ça, c'est de la décevoir au bout de 15 ans. Le Père Noël fois 1000. Tu vas la décevoir, t'es son père. Enfin, pas toi, je veux dire. C'est pas le fait que ce soit toi, c'est le fait que tu sois son père. Oui, ça va, j'ai compris. Non, mais le rôle de père, c'est. Non, sur une fille, je crois que c'est moins. Franchement, on dit Daddy Jichou. Oui, on dit quoi? Daddy DJ. On dit Daddy DJ. Daddy DJ. Moi, j'ai adoré. Non, donc mais... alors le top 10 des pires à votre avis. Est-ce que vous avez déjà fait des vacances de merde genre des trucs assez décevants un peu comme avec la petite sirène et Axel. T'as fait quoi toi? Tu t'as voyagé? Je suis pas tant parti en vacances que ça dans ma vie. T'as pas bourlingué? Non mais en plus j'ai toujours esquivé moi les potes tu sais qui se lèvent à 8h du mat. Ils disent on va visiter le musée du savon. Ça va être génial. Ouais, dans la ville qui a réintroduit le savon en France. On s'en bat les couilles. je vais aller à la plage. Adrien, on était passé en car près de la ville du couteau suisse. Je t'ai rarement vu aussi excité de ma vie. Hein, quand c'était l'Opinel. L'Opinel, oui, il y avait une statue géante de Pinel. Et j'adore les couteaux, c'est pas pareil. Enfin, je m'en bats les couilles. C'est son petit kiff, c'est son petit kiff. Je m'en bats pas les couilles. Non, mais j'aurais voulu m'acheter. En fait, j'aime bien il m'acheter était dégoûté, un. Ça s'était pas arrêté. Quand on est allé à Vevey, je me suis acheté un couteau suisse. Bien sûr, il adore ça. Il est en bois, il est magnifique. Non, mais j'ai fait le Machu Picchu très, très, très, très bon. Il y a le Huayna Picchu dans le Machu Picchu. Et moi, comme je déteste tout ce qui est guide et tout ça, tu vois, du coup, je prenais que les tickets de trucs, tu vois. Donc moi, j'étais pas au courant. Et on m'avait dit, fais le Huayna Picchu, lève-toi à 3h du mat. J'avais dit, ok, vas-y. Sauf que je savais pas ce que c'était. Le Huayna Picchu, c'est une montagne de 2000 mètres que tu montes à Yep. Mais comme c'est atroce, c'est un enfer. J'avais une famille de Colombiens qui m'avait un peu adopté. Et tous les deux mètres, je leur disais non, mais laissez-moi là, je vais vous ralentir. C'est terminé, tiens, prends de l'eau. C'était un enfer. Et il y avait un guide péruvien qui avait filé des feuilles de coca qui avait foutu dans la joue là. Ah oui, tu mastiques là pendant longtemps. Mastiques, ouais. Ça, sans ça, j'y serais jamais arrivé. Ah, donc ça marche. marche. Et ça vaut le coup une fois que t'es arrivé là-haut. Ouais, dit, ouais, okay, non, c'est magnifique. Hein, mais okay. Par contre, et puis en plus, t'avais un Argentin sur tout le trajet qui était dépressif et qui était là, mais tu le sais pas, toi. Mais en fait, ils nous font signer une décharge à l'entrée, mais parce qu'il y a tous les gens, ils meurent. Il y a des gens qui meurent. Mais c'est vrai qu'il y a pas de palissade pour après c'est le vide, quoi. Il y a vraiment juste des cordes. Oui, au début, mettre des cordes. Donc après, si tu ripes sur une marche, potentiellement tu peux crever. Bien sûr. Mais ouais. Non, mais sinon, oui, ça se tente. C'est assez joli. Ouais. Adrien, toi ? Bah, pas vraiment. Moi, j'ai pas fait masse de vacances. Et mais j'ai pas vraiment. Non, moi, j'avais. Je sais pas si. Est-ce que vous avez vu le film Into the Wild ? Non. Non. Enfin, mais oui, okay. On voit. Ouais, on sait de quoi tu parles. Non, mais parce qu'en fait, il y a. Il y a qu'à la chasse à la fin. Il a la chasse. Bah, spoiler. Spoiler, il a la chasse à la fin. Non, mais toi, tu l'as vu ? Ouais, ouais. Tu sais, à un moment, il va à un truc qui s'appelle Salvation Mountain. Je sais pas si. Qui est en fait un lieu, c'est une espèce de colline artificielle qui a été fabriquée par un genre un fan de Jésus. un mec un peu un illuminé. Et Dieu sait qu'il y en a. Non, mais pendant des années. Mais, et en fait, c'est une espèce de colline, mais hyper colorée, avec plein de trucs, des trucs qu'il a fabriqué lui-même pendant des années, le mec. Ça doit être joli, ça. Donc, c'est hyper joli. Ouais. Et genre, il y a marqué Love partout et tout. Enfin, c'est hyper cool. Donc, on le voit ça dans Into the Wild, c'est pour ça que j'en parle. Et en fait, moi, j'avais fait un road trip dans l'Ouest américain avec mon ex. Et on était sur notre trajet, on s'était dit, putain, on va aller voir Salvation Mountain. Et on avait beaucoup roulé et on est arrivé genre fin de journée où le soleil qui est en phase soleil. Descendante. Bah, pas couché de soleil, mais c'est en phase descendante, il va bientôt faire nuit et tout. Et en fait, ce qu'ils disent pas dans Into the Wild, c'est que vraiment tout autour, c'est la zone, mais genre vraiment. Ah oui. C'est vraiment. c'est vraiment, ouais, des. Enfin, c'est des gens dans une extrême pauvreté, on va dire, ouais. Voire des gens dans une extrême qui sont ailleurs. Le crack. Ouais. Potentiellement, je sais pas. Ouais. L'ambiance est un proche, peu. L'ambiance est un peu pas rassurante, quoi. Et donc du coup, mais après c'était bon, il s'est déjà, on n'a pas du tout été agressé par qui que ce soit, et c'était hyper cool. Mais c'est vrai qu'on donc ça rapport disait, qualité-prix, c'est gratos, donc le rapport qualité-prix il est super, mais en avis Google tu dis oh quand même moins une étoile pour le crack. Non, franchement, je mets 5 étoiles. C'est juste qu'il y avait eu un moment où je me disais, je suis pas hyper rassuré parce que en fait, tu roules dans ta bagnole de location et t'as vraiment juste des gars qui sont sur la route qui te regardent passer avec un regard chelou et tout. Et tu fais, bah, peut-être je vais me faire planter. Tomber en panne d'essence. Voilà, c'est ça. Mais, pas mal. Mais non, sinon. Ouais, j'ai vu le Grand Canyon et je sais pas pourquoi j'ai été déçu, mais après c'est fantastique. C'est incroyable, mais il y a, je sais pas, il y avait un côté peut-être que je l'avais trop vu en fait. Ouais. Il est dans le top 10, donc ça se trouve, pense plus au truc que t'as aimé et ça sera dans le top des pires. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être Las Vegas par exemple. Ah, t'as détesté Las Vegas ? Non, j'ai bien aimé Las Vegas. C'est peut-être dans le. Ça y est pas. Parce que là, en termes de rapport qualité-prix, c'est extrêmement. Enfin, non, remarque cela dit. Parce que les hôtels sont pas chers à Las Vegas. J'y suis allé qu'une fois, mais j'ai adoré Las Vegas. Mais je suis un beauf. Non, mais oui, mais une journée. Mais vraiment, je le sais, tu vois. Oui, mais tu restes une journée, quoi. C'est ça le truc. On était resté 3 jours. Oui, voilà. Avec un Elvis. Non, quand même pas mal. Non, mais il y avait une piscine, c'était trop marrant avec ma meuf. Et la piscine elle est cool. On dit putain, mais c'est bizarre, on est quand même l'été, il n'y a pas grand monde. Et un jour, donc vraiment, les gens coulent. On fait un peu la sieste sur les transats. Dans la piscine sur le. Les gens coulent. Ah, pas mal. Putain, mais ils jonglent avec les mots. Je suis le numéro 1 des tendances. Bah oui, c'est ça, je le vois bien. Et il y a de la musique au loin. Et bon, bah vu que je suis le mec le plus cool du monde, je fais oh, putain, c'est chiant un peu la musique là. À Las Vegas, mais bon. C'est un peu chiant. T'as dit could you please turn down the volume? The volume, please, et oh, I am in vacations. Et donc, je vais voir où est la musique. Et là, il y a une énorme piscine de gens cool où il y a une centaine de personnes blindées de gens de mon âge qui vraiment. S'éclate à crever, boivent de l'alcool dans la piscine. Il y a un concours de maillots de bain, de meufs et de mecs, machin. Et vraiment, le vieux puceau nul avec meuf, oh, viens, on se pose là-bas et tout. Pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vraiment, c'était nul à chier quoi. Il y avait une piscine pour les vieux, une piscine pour les jeunes quoi. Et en fait, on était à la piscine des vieux. Bah, on était à la piscine des vieux. Ouais, mais après, la piscine des jeunes, c'est un peu rigolo quand même. Ouais. Là, c'est vraiment l'Amérique comme tu l'imagines quoi. Mais c'est comme Las Vegas. Oui, pour goûter l'expérience, mais après, après tu retournes chez les vieux. Oui, voilà, t'as pas envie quoi. Ce qui est génial, c'est qu'ils sont que arrangeants à Las Vegas. C'est ça qui est rigolo. Nous, ils nous mettent une chambre et tout, et c'était pas la chambre que j'avais vraiment demandé quoi. Donc je fais. En gros, c'est ça, j'avais demandé une non-fumeur. Ok. Et ils me disent ah désolé, on a qu'une fumeur. Donc un peu chiant quand même. Oui, il y a des. Ça existe des chambres fumeurs. À Las Vegas, tout est possible. Axel, triple Axel. Ok. Je vais changer tout de suite. Et donc je fais non, c'est chiant et tout, parce que franchement, ça va puer quoi. Finalement, vraiment, ça pue pas. Enfin, on fait ça vraiment bien et tout. Je fais non, mais ça pue quand même. Ils m'ont mis dans une suite de ouf malade. Et j'ai adoré mon séjour. Donc c'est pour ça que j'ai kiffé Las Vegas. Et en fait, c'est parce qu'ils veulent que les gens soient bien pour qu'ils jouent. En fait, c'est pour ça que les hôtels sont pas forcément très chers et ils te mettent bien et tout, c'est parce qu'ils veulent que t'ailles dans les casinos quoi. Mais le Grand Canyon, justement, c'est tu peux partir de Las Vegas, non? C'est pas ça? C'est pas au milieu du désert? Ou je confonds complètement? J'ai pas totalement compris la question. Pour être le Grand Canyon, c'est où aux États-Unis? C'est pas genre en plein milieu? C'est quand même dans l'Ouest, je pense. Des États-Unis. Non, c'est à l'Ouest. Ah ouais. Je me rends pas compte. Il y avait un truc avec ma. Je sais plus ce que c'était. C'était pas le Mont Rushmore. En gros, de Las Vegas, il y avait genre. C'était peut-être Jean Rochefort. Il y avait genre 4 heures de bagnole. Aller, 4 heures de bagnole retour. Et on devait y aller un matin, mais pareil, on devait se lever à 6 heures pour être sûr de machin. C'est un footlocker, je crois. Ouais, c'est ça, le footlocker de Châtelet. Mais le problème. Et j'ai fait, mais c'est hors de question. Pourquoi faire un aller-retour pour voir un canyon? Moi, c'était un road trip, donc de toute façon. Voilà, okay. On avait un trajet, on faisait la vallée de la mort, on faisait tout ça. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est quand tu pars, souvent, quand tu pars jamais, moi, c'est un peu ça le problème, c'est que dès que je pars, du coup, j'ai envie de tout faire. Et du coup, c'est un enfer, quoi. Parce que t'es là, ok, alors on va se lever à 10 heures du matin. Tu finis les 4 heures, tu dors 2 heures par nuit, tu rentres, t'es flingué. Ouais. Moi avec ma meuf, c'est tout notre propos, c'est que elle, c'est je suis en vacances dans un autre pays, faut que je fasse 1000 trucs parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Et moi, je suis resté sur la première partie de je suis en vacances. Ouais, c'est donc, ça. Mais ton cœur balance. J'ai envie de rien foutre. Faire niente et tout faire. Quoi. C'est ça. Mais vous trouvez peut-être un équilibre du coup. On le trouve. C'est bien. Mais tu sens que l'autre subit. Ah oui. Donc genre, personne n'est content. Au final, tout le monde est malheureux. Non, mais on était allé en Sicile, tu vois, trop kiffant. Et donc on en minibus ou pas? Non, on était en Sicile de minibus. Le titre, évidemment. Est-ce Sicile qu'on arrête pas l'émission maintenant? En vrai, on fera pas mieux. Sicile de minibus, enfoiré. C'est une doublette en plus. Non, vraiment, elle est notée. Se faire insulter après une blague, c'est la meilleure des gratifications. Non, mais donc en fait, on foutait rien. C'était trop bien. On était sur la plage tout le temps. Il faisait beau et tout. Et ma meuf avait quand même négocié. On a. Il est encore sur ses sites de minibus. Et en gros, on doit aller au sommet de l'Etna un jour, qui est un volcan en Sicile. Tu vois. Stranger Things. Ah ouais? Non, Etna, c'est. J'ai plus rien. Bah, c'était moins bien, mais il fallait que j'en fasse une nuit pour. Comme ça, voilà. Et donc, c'est quoi? C'est ça quoi? Lever 4h, bus qui vient te chercher à 5h. Tu dois escalader le truc. En plus, des génies. On avait pris une gourde, à peu près de la taille de cette canette de coca. Donc, au bout d'une heure et demie, mourir de soif. Mais mais c'est ça. Moi, quand je prends jamais de guide, du coup, je suis jamais au courant. C'est complètement à la ramasse. On a fini par boire dans un sac à dos avec une paille d'un gars qu'on connaît pas, qui faisait le truc avec nous. Genre, il y avait pas le Covid. On a plus. Non, à l'époque. À l'époque, on se roulait des pelles dans la rue, je vous raconte ça. C'est ça. Et on prenait vraiment le vieux tuyau du gars qu'on buvait. Enfin, c'était ridicule. Et en vrai, c'était pas si ouf, l'Etna. Pas si ouf. Ça reste un volcan, quoi. Ça reste un volcan. Un volcan qui a. Mort. Je pense qu'un volcan pas en activité. C'est pas mais dingue. C'était même. Une montagne, quoi. Une montagne noire. Voilà. Et c'est un peu nul. Bah... Non, à un moment, c'est rigolo ce qu'ils disent. Allez marcher là-dessus, vous allez voir, vos chaussures ont laissé des traces parce que le sol est brûlant. Donc tu fais ah oui, c'est rigolo, c'est un peu comme dans la tombe Montparnasse. J'ai flingué mes pompes. Merci. Et 500 balles. Allez, bim. Et derrière, derrière, à un moment, je fais bon, ce qui est cool, c'est qu'on va avoir un peu de la lave, tu vois. Ça, c'est un truc un peu. T'es un enfant, tu vois de la lave, t'es content. Ils font Francis. Bah non. Francis Lalave. Oui. Et on me dit, c'est un festival, hein, j'en prends plein la gueule. Je suis chaud. C'est 38 degrés, ça. Mais c'est ça, c'est la canicule. C'est la canicule. D'habitude, on fait jamais de jeu de mots. On fait jamais. Là, on est. Et on met ça, et ça même pas, parce qu'il y avait eu une éruption peu de temps avant. Donc en fait, ils te ferment toute la partie supérieure du truc. J'ai eu ça à la réunion, moi. Ouais, donc vraiment, ouais. Aucun intérêt. Ouais, aucun vraiment, intérêt. Strictement aucun intérêt. Ouais. Moi, un truc dans le même genre de déception, c'était justement quand on avait fait notre road trip. On avait réservé un truc pour aller voir des baleines. Genre, c'est sympa. Sauf que c'était pas la période des baleines. C'était la période des baleines. Et donc, en fait. Ça, c'est chouette, ça. J'aimerais bien voir. Moi aussi, du coup. Parce que, en fait, le truc quand tu fais un road trip aux États-Unis, c'est que quand tu regardes la carte, tu fais bon, ça va, c'est pas loin et tout. Mais en fait, c'est 5 heures de route entre deux points. Ouais. C'était. Je sais pas si c'était. Bon, on s'en branle. Canada, les baleines? Peut-être au Canada. Et en fait, on avait roulé longtemps et tout. On arrive au truc et en fait, le mec dit la météo permet pas de prendre le bateau, donc c'est annulé. Et donc, ça arrive à 1000 personnes, 1 milliard. Après, ouais. En bagnole. Ouais, ouais, ouais. Après cool. le trajet en bagnole. Mais de toute façon, ils n'avaient pas moyen de nous le dire. On va 10 heures de caisse dans la gueule. Ouais. Et, mais bon, après, on avait dit, bon, bah voilà, tant pis, quoi. Ouais. Et c'était drôle qu'il y avait vraiment des gens qui allaient se plaindre au gars. Enfin, en plus, le pauvre gars, genre un mec qui avait 20 piges, tu oui, vois, qui était, avait été désigné. Tiens, bah, va dire aux touristes qu'ils vont pas faire leur truc. Et il disait, non, mais quand même, faites un effort. Et le mec disait, bah, je ne contrôle pas la météo, en fait. Hélas, les baleines n'aiment pas l'orage. Donc, en fait, je peux essayer de négocier avec elles. Mais... Non, non, mais c'était plus parce que c'était dangereux, je crois. Mais du coup, il disait, bah, je ne contrôle pas la météo. Il disait vraiment ça. Les trucs de plongée, souvent, ils annulent à cause de la météo. Pareil, aux Philippines, ils annulent, quoi. Et vraiment, les touristes dans toute leur. Oui. Leur splendeur, quoi, ouais, plein de regards. Non, mais quand même, on a roulé, hein, on a roulé. Ben oui, mais qu'est-ce que je te dis? Je suis un gros concept sur les vacances en groupe. Ça peut être, c'est vraiment à double tranchant, quoi. Ah, c'est ça. Soit les meilleurs de vacances d'Italie, soit les pires. Ouais, ouais, absolument. Vous avez... Ah, j'ai effacé des numéros de téléphone en rentrant de vacances. Ah, ouais, quand même. Ah, ouais. Mais à cause des de quoi? Des amitiés de 10 ans. Ah. Non, ah. Bah, surtout, essentiellement, thème radinerie. Radinerie, c'est un révélateur de radin, les vacances. C'est assez. Et elle mettait pas sa canette dans le porte-gobelet, qui en vrai. Ça me rend fou. Ouais. Non, non, mais vraiment ce truc de radin. Quand ça essaie de négocier à la fin de. Bah, après, on s'est dit que nous, bah, on avait quand même payé l'essence, donc peut-être qu'on payait pas les courses. Bah ouais, mais il y a une différence. Non, de... C'est le, comme au resto aussi, tu vois. Ouais, les vrai. Gens qui. Bah, on divise, peut-être. On est 15, il faut qu'on divise. Non, non, non, mais non, parce que quand même, moi, j'ai pas pris j'ai de salade. J'ai pas pris d'entrée. Ouais, mais 2-3 euros divisé par 12, tu vas gagner quoi? C'est pour gagner 5 balles. C'est un enfer. J'ai un passage sur les vacances en groupe, je te jure, c'est ouais, vraiment. C'est un truc, je supporte pas ça, surtout sur ces trucs de radinerie. De... Mais c'est là où tu dois négocier. En fait, moi je négocie pas avec mes amis. Quand je les vois, je suis content. Et là, d'un coup, quand t'es souvent ensemble, bah voilà, pour partir en vacances. Ouais. Tu dois négocier avec tes potes et effectivement c'est pas la plus belle partie des gens. C'est les vacances, donc si tu veux, comme je disais, voir le musée du savon, va voir ton putain de musée du savon et laisse les autres faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Ouais. Personne n'est obligé de rien en fait. On n'est pas obligé de tout faire ensemble en fait. Quand on se retrouve vers 17h pour l'apéro, tu vois, ça va être très sympa. Oui, c'est ça en fait, il y a que ça. Et après y a, à l'apéro, il y a les gens qui disent bah non, mais bois de l'alcool, sinon je suis triste. Attends, sinon tout le monde boit et puis il y a que toi. Mais oui, mais il y a des snacky balls et des trucs vegan. C'était pour faire l'autre pendant. Je suis obligé d'aller voir les deux, tu vois, on brasse large maintenant. Ça n'a rien à voir. Attends, le pire truc road machin là, est-ce qu'il est en Europe? Il y en a en Europe. Il y en a en Europe. Non, mais on en cherche un, nous. On cherche le pire. Est-ce qu'il y en a en France dans le top 10? Il y en a un en France. Ok, on peut peut-être trouver ça. Il y a un top 10 et vous pouvez m'en trouver un ou deux. Je vous demande la Roche de Solutré. La Roche de Solutré. Le Puy du Fou. Non, pas le Puy du Fou, les gens l'adorent. Bah ouais, non. Alors d'ailleurs, on a été accusé. C'est vrai, dès qu'il y a Douli, on parle du Puy du Fou. On parle souvent, du Puy du Fou. Attends, parce que je suis pas au courant, moi. Non, on a été accusé de rien du tout, mais il y a eu un terrible incendie dans le Puy du Fou espagnol, donc évidemment, on a été. Attends, vous avez été tagué. Attends, Puy du Fou espagnol. Il pousse del loco. Mais il y a un Puy du Fou espagnol. En fait, c'est tellement. Une entité nationale, le Puy du Fou, c'est worldwide. Il y en a un aux States. Sérieux? Ouais, il y en a en Espagne. Et j'ai vu qu'ils ouvrent un lycée, je crois. Enfin, il y a un. Ils ont ouvert un lycée là. Là maintenant, ça devient vraiment une secte. Mais c'est ce que j'avais raconté. Il y a des écoles où, effectivement, il y a déjà des écoles Puy du Fou où t'apprends. Les mathématiques, l'histoire et jongler avec des haches, enfin tu vois des trucs mais comme c'est ça. C'est pas quoi. Vrai. Ah si, c'est ne vrai. Pas, c'est ne pas contester son salaire. c'est ça sert à rien ça. Ça c'est ça. Non, non, Puy du Fou, Espagna. Comment bah, tout simplement. Viva grande emoción. Il vivait une expérience en Puy du Fou. D'ailleurs, le jeu Puy du Fou est sorti sur Switch. Non, je crois que c'est début juillet. Ah bon? Je crois que c'est le 3 juillet. Bah, je sais pas. Ah, parce qu'on m'a envoyé évidemment les posts de jeuxvideo.com et tout qui parlent de ça. Mais vous l'avez peut-être déjà dit. Le Mont Saint-Michel. Non, le Mont Saint-Michel n'en fait pas partie. Mais Puy du Fou espagnol, c'est tout ça pour conclure, pardon, qu'il y a eu 3000 personnes évacuées et que vraiment il y a eu un énorme incendie là-bas. C'est sur quelle activité? C'est pas bizarrement les cracheurs de feu. Très étrange. T'allais dire un truc avec ça. Non, vous l'avez peut-être déjà dit, parce que vous en avez parlé souvent, mais c'est au-delà d'être le folklore médiéval et tout, c'est surtout genre politique quoi, c'est ah bah oui le but ah oui, du oui. truc c'est la grandeur de la France de l'époque etc et un peu ça. Ah non, ouais, mais il y a c'est triple Axel sur Twitter hein, si vous voulez. Non, c'est pour dire si parce que tu vas recevoir des petits messages des petits tu diffuses quand je l'ai pas avant Axel Malibernet. Non mais et bien il y a eu un bouquin d'ailleurs aussi qui est sorti qui le parle justement qui on en avait parlé avec Rivenzi à l'époque, un bouquin qui justement souligne les il est sorti le jeu 16 juin 2020. Ah pardon, attends pour moi. Et le bouquin justement souligne les trucs historiques un peu bof que raconte le Puy du Fou dans son spectacle. Oui, c'est ça. La fille finie. Le Puy du Faux. Oh, exactement. Oui. Exactement. C'est pas un jeu de mots, mais c'est vraiment le vrai titre. Ouais, ouais. Ah. Ouais, ouais. Oh, bah, ok, bah très bien. Donc il y a un truc de Norman Tavo. Le puits du faux. Donc non, il y a un truc français. Il y a un truc français. Je vous le dis, il y en a qu'un seul. Dans voilà, le top 10. On va trouver le truc français. Et le top est très connu. Enfin, le numéro 1, c'est un truc américain très connu. Ok, la Statue de la Liberté. Non, pas la Statue de la Liberté. Le Mont Rushmore. Non. Le Rockefeller Center. Non. Le Rockefort Central. Ouais. Non, c'est pas ça. Américain. À New York. À New York, non, c'est pas ça. L'Empire State Building. Ouais. Très bonne réponse. Ah. Ouais. C'est considéré comme les Twin Towers. Les ouais. gens, ils sont, mais attendez, y a rien. Y a rien. Puis alors l'ambiance, nul. Non, c'est le pire site de la planète, avec un rapport qualité-prix particulièrement décevant. Le prix pour monter en haut du bâtiment s'élève en effet à 44 $, oh, indiqué qui ne permet de monter qu'au pont principal et non tout en haut de l'Empire State Building. Un prix élevé, une déception qui valent à l'attraction un taux de 4,2% d'avis négatif et un score de 1,03 sur 10 dans l'étude de Park Sleep Flight. C'est comme le Burj Khalifa à Dubaï, c'est un calvaire ce truc quoi. Tu ouais. prends 50 ascenseurs pour arriver en haut de... La meuf elle est à Dubaï déjà. C'était pour travailler, chérie. Ouais, c'était pour ouais. le boulot. Oui, on voyage peu, mais on va à Dubaï. Ouais, oui, très bien. Voyage que pour le travail. Ah oui, c'est vrai que t'as joué avec plein d'autres gens là-bas. Ouais, bah la dernière fois on y allait avec John Sulo et Jason Brokers, ouais, c'était chouette. Et ça va, c'était cool. Ouais, ouais, c'était ouais. Là, ouais. Oui, pour le boulot c'est chouette. Ouais. Pour le boulot. Ouais. Bon, quand t'es influenceur, je crois que c'est cool, c'est chouette aussi. Je crois, ouais. je crois que c'est sympa. Non, essayez de me trouver celui qui est en France. Mais qui oui. Est, qui ouais. est pas loin de Paris d'ailleurs. Ah. Bah c'est pas Disneyland Paris. Non, c'est pas Disneyland Paris. Est-ce que c'est un parc d'attractions? C'est pas un parc d'attractions. C'est un truc historique. Un truc. La grandeur de la France. Un château, un château. Est-ce qu'on est sur un château? Versailles, un château de Versailles. C'est le château de Versailles. Ah ouais. Oh, quand même. À la 7ème place. Bah, ils sont durs. Prix d'entrée 18 € et 9,5% d'avis négatif. C'est le RER qui est relou, mais en vrai. Ouais. Après 9,5% d'avis négatif, c'est assez peu quand même. Ouais, ouais. Mais c'est considéré quand même comme un des. Okay, donc, les gens sont globalement très contents de toutes les attractions de la planète apparemment. Non, mais il y a le London Eye, le MoMA, le Musée d'Art Moderne de New York, la Petra. Le MoMA. Ouais, le MoMA. Le musée du Vatican. Genre, oui, en fait, c'est juste les moins bonnes notes, mais en vrai, c'est, ouais. ça reste ce qui est. Oh, t'énerve pas, non. Mais merde. Pierre Bénichou, regardez-le. Déçu. Non, mais en vrai, c'est pas catastrophique, quoi. C'est si, pas si catastrophique. À la 7ème place, c'est que 9, enfin, tu vois, c'est pas Docteur Guigui, quoi. Non, non, c'est pas. Je ne dirais pas que l'Empire State Building est le Docteur Guigui des monuments. Je dirais pas jusque-là. En Inde, une femme a rencontré un éléphant et a eu le mal. C'est pas une histoire de. Je l'ai. Elle a croisé un éléphant. L'éléphant lui dit bonjour madame. Elle a eu le malheur d'apprendre. Non, je suis un monsieur. Vous vous trompez. Oh, oh merde. Vous êtes dans un magasin de porcelaine. Vous êtes sur la défensive. Oh, les meilleures blagues d'éléphant. Adrien Méniel. Allez. Oh, ton bouquin qui sort. Je sors un livre de blagues. Ouais, de blagues mais bien, que sur les éléphants. Pour la plage et tout. Tu franchement, je devrais faire ça. Le cahier de vacances. Aucune blague qui me plaît, mais. C'est toujours mon projet de magasin à jeux de mots. Ah oui. Des textes à trous. Tu devines la blague. Tu devines. C'était quoi ton magasin à jeux de mots? Je veux faire un bouquin avec que des magasins et des jeux de mots dans le titre du magasin. Ah, dans le titre du magasin. Ah, mais avec, des vrais magasins? Non, mais en gros, à droite de la page de droite, tu mets la question et tu tournes et t'as la réponse. Quoi, en ah, gros. Oui, exemple, d'accord. Un magasin de moquet à Guy Moquet, Guy Moquette. Ah, j'adore ça. Mais il s'est craqué le dos après la blague. Il a vraiment fait. Voilà, Allez, c'est pour toi ça. C'est pour ça que sur Groom, t'étais comme un fou quand il fallait trouver des noms de marques et tout ça. Possible. L'épisode que j'ai écrit là sur les avec les stands et tout, t'étais comme un fou à dire moi j'aime bien trouver des noms de marques s'il faut. Hein. Regardez l'entrepreneur. Donc tu l'as vu, alors peut-être garde-le un peu pour toi. Une femme a rencontré un éléphant et a eu le malheur d'apprendre que l'éléphant est un animal têtu. Ah non, ah oui. Savez-vous comment? Déjà, moi la phrase a rencontré un éléphant, je me fais rire déjà. Bah, c'est moi, écoute, je sais pas qui te la propose. Attends, répète chérie. Alors en gros, il y a en Inde une femme. Comment elle a appris qu'il était têtu, c'est ça? C'est ça. Ah bah, elle était en voiture? À ses dépens. À ses dépens. À ses dépens. SketchUp, c'est l'été, hein. À ses éléphants. Est-ce que vous savez que c'est une reprise d'ailleurs, cette chanson? Oui, de Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang. I am a hip, hop, the hip hip, the hip hip hip hip hip. À ses dépens. Ça reprend la rythmique. Je parle pas espagnol, mais il paraît que ça veut rien dire. Bah oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce qu'il colle à un truc de Sugar Hill Gang. Voilà. Non, mais parce qu'on en apprend. Mais Rapper's Delight. Mais ils l'ont quand même un peu pimpé pour l'élever au-dessus. Espagnol. Est-ce que c'est sexuel? Ce n'est pas sexuel. Tant mieux. C'est pas plus mal. La pauvre, j'allais dire. Cela dit, elle est décédée. Ah merde. La rencontre avec l'éléphant, c'est magnifique. Elle s'est fait marcher dessus par l'éléphant. Elle s'est fait marcher dessus par l'éléphant. Priorité à gauche, priorité à droite. Plutôt deux fois qu'une. Elle s'est fait marcher dessus par un éléphant. Ouais, voilà, mais en quoi l'éléphant a été tué à votre avis? Bah, c'est qu'il a continué quoi. Alors, d'une certaine manière. Ah, mais je l'ai vu aussi. Ah, ok, bon, on va le dire. C'est Jérôme qui l'a partagé. C'est ça. C'est-à-dire que l'éléphant a écrasé cette dame. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah du coup on se dit on va... On prend la fuite. Non, c'est-à-dire qu'on va faire un petit rite funéraire, tu vois, on va l'enterrer, on va faire quelque chose. L'éléphant est revenu. Il a repiétiné. Il a piétiné la tombe. Il a piétiné la dame. Alors je crois pas que c'était une tombe. Est-ce qu'elle lui avait pas fait un petit coup de pute? Parce qu'à un moment donné, parce qu'un éléphant n'oublie jamais. Oui. Exactement. Très bonne mémoire, c'est vrai. Si ça se trouve, de quelques années avant, elle lui a fait un petit coup de pute, tu vois. Et l'a recroisé. Il a dit attends, Micheline, elle va manger. C'est ton moment. Mais genre, elle lui a tendu une cacahuète et quand il a amené sa troupe, elle a fait eh non. Elle a fait ok. Ça c'est resté là. Exactement. C'est dans un zoo depuis. C'est les clowns. Dumbo, en fait, ils l'ont maquillé, du coup l'éléphant est devenu fou. Elle a fait rancunier, du coup il allait chier sur cette roue. Rancunier comme un éléphant, c'est pas ça. Mais c'est la prétendue a pu reprendre quelques heures plus tard, malgré le choc des proches endeuillés. Et en même temps, moi, quitte à ce que je parte. Si vous me dites l'éléphant est revenu tout pété, moi je suis parti sur un feu d'artifice. Ouais, s'il peut me jeter en l'air avec sa trompe, empalé avec la défense. Je vais mettre ça la dans la momie 4. Vous voulez quoi? Être incinéré tout? Non, je veux qu'un éléphant me jette le plus haut de toutes ses forces avec sa trompe. Faut savoir qu'en Inde, ça arrive très souvent. Hein. 27 000 spécimens, l'Inde abrite le plus grand nombre d'éléphants sauvages en Asie. Et donc, très souvent, la destruction massive fait que les animaux vont dans les habitats humains. C'est et donc, toujours la même chose. Mais c'est à chaque fois qu'il y a un... Mais on est le virus de cette putain mais de planète. C'est comme les requins. Il y a un surfeur qui s'est fait manger par un requin. Bah oui, en même temps, tu surfes chez lui. Donc, le requin, il t'a croqué une jambe. J'étais avec Jérôme et Gaël, mec Toub, et on en est arrivé à se dire quelle est l'espèce qui tue le plus. Et c'est l'homme. C'est l'homme. Après l'homme, évidemment. Le moustique. Oui. Ouais. Mais c'est le genre. Le moustique, parce qu'il véhicule toutes les maladies dégueu, le chikungunya. Un million de morts par an. Ouais, c'est le moustique. Ouais. Et ils ont aussi tout petits flingues aussi. Et ça, c'est. En plus des maladies, il y a des gangs. Ça fait titi-titi-titi. Non, mais il y a des règlements de compte de moustiques dans des campings. Oui, il y a des gangs de moustiques. Ouais, bien sûr. Gangs de moustiques. Ouais, dans les campings, il n'y a que ça. C'est Laurent Ronac qui essaie de les calmer. En fait, on peut les reconnaître, ils ont des très petits bandanas. Grillés, blancs et gris. Les moustiques tigres, c'est pas. C'est un petit bandana. C'est les tigres. C'est tailleur moustique. Un tout petit bandana à motif tigre. Tout petit tatouage tribaux. Ils ont des larmes de tatou sous l'œil. Larmes de sang, bien sûr. Évidemment. je vous laisse écouter du rap de moustique. C'est là où il parle de tous les trucs qu'ils ont fait. Sale. C'est terrible. Très gangster. À confondre avec mystique, bien sûr. Le rap. Là, c'est complètement autre chose. C'est moustique. L'entreprise américaine The Pest Informer. C'est juste qu'il y a un. Allez, le rap jeu, regardez-le là. Mais non, il y a un chanteur qui s'appelle Zao, ouais. Si je me trompe pas. Z-A-O. C'est une chanteuse, mais. Ouais, mais c'est Z-A-O. Qui tourne une roue d'ailleurs, mais bon. Et il avait une chanson qui faisait Moustique, moustique, tu es un salaud. Nanana. C'est une comptine pour enfants, ça. Et c'est une chanson africaine, tu es raciste, c'est tout. Ouais. il y avait une reprise. Non, mais il y avait une reprise de. Il y avait Mystique qui avait fait un feat avec lui. Mais là, il disait Mystique. Voilà. Oh là, c'est pour moi. Rap, je régale. Et que, regardez rap jeu. Juste vérifier que je me suis pas trompé sur son nom. Mais je crois que c'est ça. Ouais. L'entreprise américaine The Pest Informer est prête à vous payer 2000 balles. Sympa, 2000 balles. Mais pour tester leurs produits chez vous. Mais que font-ils exactement, The Pest Informer? Des engrais pour poissons? Alors pas. T'as collé des mots hasardouli, tu vois. Alors, ce ne sont pas des engrais pour poissons. Non, parce que pèse en espagnol c'est poisson. Ok, non, c'est une entreprise américaine. Ah ok, pardon. T'as les gars, vous êtes tous les deux sur les portables. Non, mais attends, pardon. Pest Informer. Pest Informer. Ah, Pest Informer. Ils sont prêts à vous payer 2000 euros pour tester chez vous leurs produits. Mais c'est des produits contre quoi? Contre la peste. Les cafards, les trucs comme ça là. Exactement, alors s'ils te payent, c'est pourquoi? Pour que mettre des cafards chez toi. Non, pour que tu restes. Ah, ils te mettent. Oui, à trouver la bonne réponse, c'est-à-dire qu'ils mettent 100 cafards dans ton domicile et ils testent leurs produits chez toi. Alors on va bien te faire foutre. Mais non, mais en fait, c'est le bon plan si t'as déjà des cafards chez toi. Tu leur dis, bah venez, ok, vous pouvez mettre des. T'en as déjà 2000. Ouais, c'est ça. On va en mettre 100. Bon. Allez, d'accord. Okay. Alors, The Pest Informer est à la recherche de 5 à 7 maisons. pour tester la technique, on pourrait se dire bah personne va dire oui, et pourtant ils ont reçu plus de 2200 candidatures. Ben oui, parce que beaucoup de gens sont extrêmement pauvres. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup de gens sont en galère. Mais oui, oui. Bien évidemment. Vous avez déjà eu des soucis d'insectes comme ça, cafards, puce de lit? Vous avez déjà eu les puces de lit? Ah non, ça moi, c'est. J'ai cru que j'avais eu, et en fait, je me réveillais tous les matins avec des piqûres en ligne comme ça, et j'arrivais dans les comédie clubs et tous les gens qui ont eu des puces de lit me regardaient, et tu voyais le diable dans leurs yeux quand ils pensaient que c'était des puces de lit. Oh putain, t'as des puces de lit, gère ton sac et tout, ils voulaient pas m'approcher, quoi. C'est vraiment genre un des pires poisons au monde, quoi. Ça les traumatise, les gens. Ça les traumatise vraiment. Ouais. C'était pas ça, finalement. T'étais héroïnomane, tout simplement. Simplement. Mais comment je pouvais passer à côté? Bah oui, c'est ça. Ah, tout va bien. C'est qu'on oublie après. Et puis j'aime bien les trucs géométriques. On prend les orteils aussi. Axel, toi, t'as déjà vécu avec un truc comme ça? Non. Non. Même pas un cafard, rien. Non, non, franchement, non. Ok, cool. Je suis dans la campagne. Il y a deux ans, j'ai eu une fourmi sur le balcon. Oh là, ça va, tu t'en es remis? Moi, j'ai eu des mites alimentaires. Ah, ça, c'est chiant. J'ai eu aussi, c'est très, très chiant. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Bah, les mites alimentaires, c'est des. Une sorte de mythe en gros, mais qui bouffe les aliments du coup, secs. Ouais. Mais toutes les graines, toutes les céréales. Et comment ça arrive chez toi, ce genre de choses? Je sais pas. C'est souvent, alors tu sais que souvent. Pas de ouverte, ils ont pété un carreau. Tu sais que souvent, c'est dans les paquets déjà, dans le paquet de céréales, il est déjà dedans. Ça peut être. Il peut y avoir les larves. Tu l'achètes au supermarché, le truc. Il arrive chez toi, quoi. J'ai eu ça, j'ai eu des charançons, ça je crois que ça s'appelle. Ah, ça c'est très chiant. C'est dans du riz ou un truc comme ça. Ah ouais. J'ai commencé à m'en faire et tout. Et quelle ne fut pas ma surprise. Le taureau et les sauvages. Et du coup, ouais, quand t'as des mythes alimentaires, il faut tout mettre dans un truc hermétique. Alors déjà, le truc que tu peux faire, c'est t'achètes de la bouffe, des céréales, des trucs comme ça, tu les fous au congélo à 24 heures pour tuer les éventuelles larves qu'il y a dedans et tout. Et après, tu mets tout dans des trucs hermétiques et au bout d'un moment, dans des bocaux et tout. Mais c'est casse-couille, quoi. Ouais. T'es obligé de tout jeter. Putain, non, moi ça va, je suis toujours passé à côté. Mais j'ai jamais eu de puce de lit, mais c'est ma panique. T'es, des fois, tu t'es fait piquer par une araignée, ça gratte et tu fais allez, ça commence. Il y a Satan, Satan est dans leurs yeux. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont vu Belzébuth. Hein, ils sont pas bien. Savez-vous ce qu'est le mur d'Adrien? Alors, bien sûr que non. Oui, le mur d'Adrien, alors c'est quoi? C'est pas. Je pense que c'est un mur qui. Entre l'Angleterre et l'Écosse. C'est ça. Qui empêchait les Scots d'attaquer les Anglais. Sur la fin, t'es parti en vrai. Non, c'est vrai. Non, ok, parce que moi j'ai lu que c'était une fortification d'attendre l'époque de la Rome antique, quand ils avaient colonisé la Grande-Bretagne. Mais franchement, je l'ai traversé, il est très très bas. Peut-être ils l'ont enjambé. Ils étaient très petits. Franchement, tu l'enjambais. Mais c'est l'évolution. À l'époque, les gens faisaient 20 cm. Tu sais, j'ai une porte chez moi, et apparemment, Jeanne d'Arc et tout ça sont passés par là, soi-disant, et genre, les trois mousquetaires, j'ai dit les trois mousquetaires étaient clairement nains. Les bottes, elles t'arrivaient au cou, quoi. Vraiment, la porte, mais d'une porte de chez toi, de ton appart? Dans ma cour, il y a un passage secret, tu sais. En fait, les bottes des trois mousquetaires, c'était des bottes normales, juste. C'était des Converse. C'est des tongs. Ils les mecs. Et vous n'aurez pas des bottes à notre taille? Ça peut faire un petit style, honnêtement. Ok. Mais ton agence immobilière t'as menti par contre. Il y a les trois mousquetaires, Jeanne d'Arc, Louis XVI aussi, Charlemagne, qui tu veux, Lino Ventura. Non, écoute, c'est un voisin. Après, il est peut-être complètement ch'teuf. Hein, mais... non, parce que moi, c'est comme mes parents, quand ils ont acheté leur maison, toutes les ils disaient, ah, vous savez qu'il y a un trésor dans votre jardin. Enfin, n'importe quoi, arrêtez vos bêtises. Bah, le trésor, c'était votre famille finalement. Non, même pas. Non. Non. Bah, non, je crois pas. Hein. Alors, on m'a menti, mais. Moi, toute mon enfance, on m'a dit que mon arrière-grand-mère avait enterré des bocaux de louis d'or dans le jardin. Putain. Et genre. T'as tout déterré. Bah non, mais moi je disais, mais on prend un truc pour un détecteur de métaux et tout. Ah oui. Et mon grand-père fait non, on y va pas et tout, on y va pas. Et je sais pas pourquoi il voulait pas y aller, quoi. Bah parce que c'était faux. Parce qu'il les avait peut-être déjà déterrés. En fait, à l'époque, ça devait pas exister, donc il s'est dit c'est le mytho parfait. Ils vont jamais retourner le jardin. Papy, il y a un truc, c'est un détecteur de métaux. Oh merde. Mytho tombe par terre. Mais c'est marrant parce que je m'étais fait la réflexion sur dans la Bible les miracles de Jésus. Ouais. Où tu te dis, bah, c'est vraiment des miracles qui ont été inventés par des mecs de l'époque, quoi. C'est-à-dire que le mec il multiplie du pain, quoi. Alors qu'il pourrait inventer des trucs de fou, genre il pourrait dire, bah, il y a un iPhone qui apparaît dans sa main, tu vois. Je vole. Et il dit, bah, il a multiplié du pain. Tu fais, ouais, bah, t'as vraiment fait avec. C'est vraiment l'imagination d'un mec de l'époque, quoi. Il arrivait sur sa table, il y avait du pain et du vin, il fait du pain et du vin, je crois. Le vin, c'est devenu de l'eau, putain, c'est vraiment son. Et son père était, il y a quoi, c'est une table, bon, charpentier, ouais, j'imagine. Bon, tu te dis, ce serait maintenant. moment ils inventeraient des miracles dingues. Ouais. En deux. Donc, pourquoi je vous parle du mur d'Adrien? Mon grand-père disait qu'il y avait un trésor des Mérovingiens dans mon jardin. Ah, pas mal. Et un mytho aussi, hein, bien sûr. Et j'avais un pote qui voulait aussi, justement, il disait putain, mais viens, on prend un détecteur de métaux. Et c'est faux, sans doute. Bah, c'est ça, mais surtout que moi, il y a un moment, genre, ne creuse pas dans mon jardin. Si y a des... Pour cette peine, déjà. Non, mais en plus, nous, on n'était pas. Enfin, tu vois, on roulait pas sur l'or, donc. Tu trouves la motive de chercher dans le jardin s'il y avait vraiment un trésor. Bah après, c'est un bon mytho de pauvre. Elle a enterré des louis d'or. Hein. On n'est pas pauvre, hein. Il y a des louis d'or. On est pauvre et vous mentez. Donc vraiment, sale vie quand même. Donc pourquoi je vous parle du mur d'Adrien? Parce que il y a des fouilles qui ont été faites là récemment, pas loin, et il y a une pierre avec des inscriptions qu'on n'imaginerait pas sur ce genre de pierre de prime abord. À votre avis, qu'est-ce qui était inscrit sur cette pierre? Un truc un peu surprenant. Acab. Non. On construit pas un genre, mur nous. Genre des blagues. Alors, c'est pas une blague. Un truc de cul. Alors, il y avait des bites, mais ça je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une raison. Il y avait des bites. Il y avait des bites. Écoute. Et ça, il y a une explication historique. Pisser sur le mur. Non, merde à celui qui lit. Non, c'est pas ça. Non, c'était une blague ou c'était t'as tiqué sur blague. C'est pas une blague parce que c'est pas une blague. Mais c'est drôle, mais en soi. C'est ça, assez marrant. C'est ça. Mais est-ce que c'est un peu un panneau quand même, genre prière de ne pas nanana ou non, ne pas venir non. nu. Non, c'est pas ça. Mais on pourrait le rapprocher à un truc moderne. D'ailleurs, en parlant de bite, une petite petite pensée pour l'odeur de la bite des mecs au Hellfest en ce moment. Imaginez ça, juste une seconde. Non, sous les couilles. Juste sous les couilles. Bah, où il y a des mythes alimentaires, hein, d'ailleurs, qui ont élu domicile. Là, hein. Ouais, là, vraiment là. Ouais. Déjà, quand en temps normal, je me dis, oh, ça doit... Mais alors là, 42 degrés. Ouais. Horrible. Dans le camping, parce là, qu'en plus, dans je suis pas sûr qu'ils aient prévu les lingettes, quoi. Oui, je suis même pas sûr que déjà, ils se lavaient avant d'y aller, déjà. Certains. Pas tous, ça va, calmez-vous. Moi, j'aurais adoré y aller. Putain. Mon frère, irréprochable. Y aller, il y a un super line-up, là. Ah ouais, moi non, mais. C'est classe. Non, moi j'ai pas ah oui, toi, putain, pardon, je te retourne le couteau. Ah ouais, moi j'avais les places, moi. Arrête, mais ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait? Trop de taf. Putain, moi non plus je peux pas. C'est à cause de ça que j'y suis pas allé. Ah, moi non plus je peux pas parce que j'aime pas. Ouais, moi aussi, ouais. Non, mais là, c'est vrai, là, j'irai bien une fois quand même. Putain, vas-y, l'année prochaine, on se le fait. Ah, mais bah, je suis chaud. Moi, t'as annulé une semaine avant, fais gaffe. Franchement, si vous y allez, je viens. Non, avec mais vous, moi, alors, déjà, vous savez quoi? De toute façon, je m'en fous, j'ai plus aucune race. Déjà, Hellfest, invitez-nous. Franchement, ce serait un plaisir. Oui, Hellfest, s'il vous plaît, les gars. Moi, j'adore. Moi, j'écoute du métal depuis j'ai 5 ans. Moi, non, mais vous allez peut-être me. Non, en vrai, en plus, j'étais. On vient de dire que les gens qui venaient puer de la bite, invitez-nous. Mais on viendra puer de la bite avec vous, les gars. S'ils sont un peu de bonne foi, ils savent quand même que les gens puent de la bite, alors non, ça fait bien même évidemment. Partie du truc. Pour moi, oui. Ça fait partie du folklore. Je pense que bon, voilà. Et non, j'étais quand même un sacré métalleux quand bien j'avais sûr. 11 ans. Voilà, attention, tu viens avec j'avais nous, une voilà. veste à patch et tout. Mon ouais. meilleur souvenir de concert, de, pas de concert, mais de concert, c'était au Hellfest. Je suis allé en 2014 ou 2015. Et j'avais adoré. Furieux, par contre, faudrait juste qu'il m'installe une chaise d'arbitre de tennis. Hors de question que j'aille regarder concert dans la foule. C'est impossible. J'ai ma carte handicapée, chérie. Allez, on peut organiser un truc. Très bien. Donc l'année prochaine, nous on est chaud. Voilà, quand il dit nous, c'est eux sans moi. Mais cela dit, là, quand j'ai vu les images, putain, avec la canicule de ouf, là où ils sont arrosés. Les asperges et tout. Les asperges, je fais, ouah, ça doit être quand même quelque chose là. Oui, là je pense qu'il y a de la bonne insolation vénère et tout. Non, petite casquette. Hein? Petite casquette. Putain, mais tu penses à tout. C'est incroyable. Petite casquette ventilo. Avec récepteur solaire. Les gadgets que je vais pouvoir m'acheter. Donc, c'est une petite pierre où il y avait des bites dessus, mais pas que. Pas que des culs. Non. Des chattes. Et donc il y avait des bites et des inscriptions, c'est ça? Des inscriptions. Il y avait que des bites dessinées ou autre chose? Une bite. Qui était une pas bite. Logique pour cette époque, qui en gros, c'est ça? Qui dit mieux? Une bite. Qui dit mieux? Alors c'est pas que c'est pas logique pour cette époque, c'est qu'on dirait presque une sorte de rébus. De tag. Non, de tag en vrai. Est-ce que c'était. Adrien, une petite bite. Alors non. Est-ce que c'était. On écrit sur le. Pas à prendre la voilà. Nous ici. Une chanson avec juste cette phrase. Est-ce que c'est genre, nous ici, on a des grosses bites et vous non? Alors, t'es pas très loin. Parce que nous, on a des couilles, nous. Non, et on les met dans les meufs, nous, carrément. Non, je vais vous dire ce que vous pouvez pas trouver, mais en gros, à la manière de. J'en ai vu un récemment, je suis allé pisser dans les chiottes publiques à Paris, et il y avait écrit juste le trou du cul à Macron. Donc déjà, j'ai adoré ce tag. Pas mal. Et là, sur une pierre haute de 15 cm, on peut lire. Alors, c'est écrit en latin. Ah, mesurez votre bite avec cette pierre. Non, non. C'est un t-shirt à message. Une échelle de bite. Ma bite va jusqu'au bout de cette pierre. Sur une échelle de bite de 1 à 12. Non, il y avait écrit Secundis Cacor. Et que veut dire Secundis Cacor? Ça veut dire Secunidus, le merdeux. Ça veut dire, ou bien le chieur, ou bien l'emmerdeur. Le chieur. Autrement dit, un terme qui figure généralement pas dans une discussion polie. Son notaire avait clairement un gros problème avec Secunidus et était suffisamment confiant pour l'annoncer publiquement ses pensées sur une pierre. Donc le gars a carrément insulté le système l'équivalent en place. D'un tweet. Incroyable, incroyable. L'équivalent d'une pancarte bouffe-moi le cul, mais pas le climat. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. C'était les, on en avait parlé il y a longtemps en plus. C'était les trucs écolos. Des fois, il y a des tags. Sexuel. En fait, les slogans dans les manifs sont de plus en plus genre vraiment juste encule-moi, pas le climat ou des trucs comme ça. De plus en plus, genre de moins en moins politisé. 40 degrés, c'est encore plus dans mon cul. Bah non, mais là, ça n'a plus aucun rapport. Pisse-moi dans la bouche, au moins je serai hydraté avec cette canicule. Ça rend des trucs genre. Mais... J'ai plus aucune revendication. Gratos. Ouais. Je branle des vieux, ça les sauve pas de la canicule. Chie-moi dans la bouche pour 2 euros. Suce-moi une bonne fois pour toutes. Je mets mes couilles dans le vagin des femmes. Donc, et alors pourquoi il y a des bites? Je vous ai pas expliqué. Oui. Il faut savoir que dans la Rome antique, il n'était pas rare de porter des amulettes ou des bijoux sur lesquels étaient représentés des pénis. Et pour cause, ceci était censé porter chance, améliorer la fertilité et éloigner les mauvais esprits. Voilà, tout simplement. Ça alors que idées. C'est l'inverse maintenant. Je pense que si t'as une bite autour du cou, tu vas attirer les mauvais esprits. Prochain merchandising. Mais c'est ce que dit d'ailleurs le mec qui a trouvé la pierre. Il dit sur celle-ci, vu que c'était vraiment à côté d'une insulte, bah ouais. Ça se trouve, enfin, il y a de grandes chances que ce soit pas ça. Et que plus, effectivement, une attaque, une sorte de harcèlement dans l'espace public. Quoi, prends ma teub dans la gueule. Prends ma teub dans la gueule. Nouvelle question en Australie. Un salon de coiffure propose une option pour quelques dollars de plus. À votre avis, laquelle? Une option pour les salons de coiffure, pour un salon de coiffure en particulier en Australie. Australie, on avait déjà parlé où il y avait déjà ce resto où les serveurs t'insultent. Ça, c'était quand c'était même en Australie, ça. Ouais, c'était en Australie. Okay. Génial, tu vas, ils font, tu veux manger quoi? Ah, t'es sûr que tu veux manger ça? Allez, prends ça, connard. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais, ils disent putain, mais mangue-toi. Mangue-toi quand tu commandes. Et du c'est coup, incroyable. Les gens, et les gens demandent, il faut excusez-moi, c'est quoi les meilleurs? Genre, mais pfff, t'as ouais, que j'en ai à foutre, bouffe-le. Je crois que j'en ai rien à foutre. Tu vas vraiment prendre ça avec ton gros cul, c'est bon, va te faire enculer. Ok. Donc, ça peut attends, là, très vite. Si c'est sur le physique, c'est moins bien. Mais est-ce qu'on n'est pas du tout sur le même projet? Enfin, c'est pas du tout la même griffe. Non, on n'est pas là-dessus. Non, on n'est pas là-dessus. Salon de coiffure, on te tire les veuches. Non, non, non, c'est pas un truc BDSM, là non plus. Je vois qu'on s'oriente très vite là-dessus à chaque fois. Non, mais t'as vu, à chaque fois, on essaye de trouver quand même un sujet récurrent. Chaque podcast. Ok. Donc, coiffure. Est-ce que ça a un rapport avec la coiffure? Oui. Déjà bah, alors, ça a j'avais pas posé la question. Mais alors, mais parce que vous êtes connectés. Bah, on va aller au Hellfest tous ensemble. Ça y est, il s'est créé. Des bros de Hellfest. Non, mais parce que c'est en, pas en lien avec la coiffure, mais c'est en lien avec les salons de coiffure. Quelque chose qu'on connaît. Ah, il te parle pas. Exactement. Oh, mais magnifique. Ça, j'adore les Australiens. Ouais. Alors, merveille, mon l'ambiance du bar pour le coup, quoi. Ouais. Soit il t'insulte, soit il te parle pas. En un salon de coiffure, pour désormais l'option sans conversation dans ses prestations, tout simplement. Ça, c'est génial, ça. Ah ouais, vous êtes team comme ça. Parce que moi, c'est un sujet que j'aimerais aborder avec vous. Je me sens compte que plus je vieillis. Tu aimes bien les potins? Non, c'est alors déjà, alors ça j'ai toujours adoré. Ça, depuis ça toujours. Moi, si vous savez, je me nourris des potins. Mais non, j'aime beaucoup le small talk avec les gens qu'on connaît pas. C'est-à-dire que à la manière d'un vieux qui dirait on est trop connecté, on se parle plus, machin et tout. Non, mais ça dépend. Je ça commence dépend à apprécier oui. quand. Et depuis, alors sans vouloir la foutre dans toutes les émissions, mais depuis que j'ai un enfant, ça alimente très vite aussi ces trucs-là. Oui. J'adore discuter, tu vois. Mais c'est ce que je disais avec mon chien, moi. Ouais. Pardon, je t'ai. Pardon, non, je vas-y, t'ai chérie. Non, mais c'est ce que je disais la dernière fois avec mon chien, c'est que du coup, je faisais du small talk parce que bah, les chiens, ils s'arrêtent et du coup, t'en bah, parles. Oui, bien évidemment. Mais ouais. Tu vois, un petit serveur qui fait une vanne et tu réponds. Ça, et tu oui, rebondis. Non, bien évidemment. Oui, non, mais moi, j'étais mais très contre ça. Le chauffeur de taxi qui te parle pendant 45 minutes, c'est quand même lourd, quoi. Parce que parfois, l'humain ne voit pas quand s'arrêter. C'est ça. Ouais. Bah, s'ils disent. Mais si c'est un gros raciste oui, voilà, qui te parle, c'est insupportable. Si quoi. T'es à chaque fois, t'es obligé de dire Ah ouais. non, t'es pas quand même mais à chaque oui. phrase, non, mais c'est bon. Ça le truc, c'est qu'il y en a des très cool. Il y en a ça, des ouais. très cool avec qui tu ris vraiment c'est beaucoup. Ça. Mais c'est pas tout le temps le cas. Moi, je commence justement à prendre goût à ça. Avant, c'était moi l'enfer. Au small talk. Parle. Ouais, ouais. Et ah, que maintenant, voilà. depuis peu, quand même. Mais c'est plus parce que moi, j'étais nul en fait. J'arrivais pas à répondre en fait. Ça me bloquait en fait. Donc je disais Ah oui, oui. Et du coup, maintenant, je suis à un peu plus détendu. Ça dépend comme en ça. Fait. Des, j'arrive ça à relancer, à parler et tout. En fait, moi, si j'avais la certitude que ça va, il va pas me tenir la jambe après, je le ferais plus. Mais il y a toujours le doute. Après, de... après le trajet, tu veux dire. Non, pas forcément taxi, mais. Il te suit, tu descends, il te suit avec ce truc. Non, mais parce que quand même, le Real. Vous m'avez pas donné votre avis sur les trottoirs, parce que je trouve quand même les vélos prennent de la place quand même. Non mais tu veux dire que les toi c'est pas un truc qui te toucherait le moi le... ouais, j'aime pas trop parler aux gens. Arrête. Moi, Adrien... Tu les laisses parler toi. Ouais. Bah bien sûr. Enfin il dit le du zouk hein, de toute façon quand tu le vois. Non mais moi je me souviens avec avec Axel après un soir où Baptiste de Caplain et Jérôme Niel jouaient tous les deux, on a mangé ensemble. Et Axel adore faire des vannes à des gens qu'il connaît pas. Ça c'est autre chose. Ouais, non, mais c'est ça. Des blagues en mode sérieux. Non, mais pas forcément bourré. En mode sérieux, tu les regardes en mode j'aime sérieux. J'aime bien le décalage de il s'attend pas à ce que je fasse quelque chose. N'importe et... quoi. Le décalage à un mot, c'est le malaise. Donc on mange tous ensemble et des policiers à l'époque ils avaient fait notre passe sanitaire parce qu'on est dans un resto, tu vois. Je m'en souviens pas du tout. Tu te souviens. Pas quand t'es bourré, mais bon. Peut-être que tu venais baiser et que t'as eu un petit. Petite amnésie. Mais bref, on contrôle les passes sanitaires et je sais plus quoi, tu fais une espèce de vanne de mais qu'est-ce qui se passe si je l'ai pas ou un truc comme ça pour savoir après, comment ça se passe. À sa décharge, personne, je pense, n'a fait des blagues pendant les contrôles de passes sanitaires. Personne a dit oh bah non, je l'ai pas parce que j'ai le Covid. Non, mais je sais pas quoi, elle dit un truc genre bah non, j'ai de les vérifier et il lui a dit oh je connais, hein, j'ai vu Backnor, hein, je sais comment vous êtes. Backnor, c'était un film de keuf un peu vénère, un peu violent. Et je crois qu'elle s'est marrée quand même. Et en fait, elle s'est marrée. Et moi je me suis dit mais pourquoi pas le tenter de temps en temps hein, cette espèce de mais attends c'était des keufs qui contrôlaient ils contrôlent le resto ils étaient trois hein, j'ai pas eu peur c'était une femme putain pas bon. J'étais blanc chose qui arrive tous les éléments c'est vrai que c'est dégueulasse tout est dans c'est ta sacrément dégueulasse tu étais derrière une vitre en plexiglas il y avait vraiment tout mais pour faire des blagues toi t'es ok ouais avec non mais en fait c'est plus pour faire je pense pour marier les copains oui je pense pas que je le fasse autant non seul oui ce que tu l'as déjà fait tout seul. J'ai dû le faire. Ça doit m'arriver, mais ouais. en fait, ça marche que si ça fait rire des gens. Ouais, et comme la personne en face, elle peut ne pas comprendre. Tu te fais pas auto. Ouais. Tu te fais pas des petits kiffs perso. Quoi. Mais cela dit, moi, je le fais. Et mais ça me procure un bonheur. Parce qu'il y a le small talk, mais il y a la small joke aussi. Ouais. Je viens de l'inventer. C'est, ouais. c'est tout frais. En vrai, le truc, c'est que. Ça si... sera repris par tous les théoriciens dans quelques années. Non, mais tu sais, il y a un type de blague. Qui comme de la même manière qu'il y a le small talk où tu sais tu peux le small talk c'est pas tu vas parler d'un sujet hyper deep ou tu vas pas dire bah moi mais j'ai perdu mes parents enfin tu non, vois quelqu'un non, tu vois non, donc du quoi donc oui, c'est oui. des trucs et en fait les blagues c'est pareil et de la même manière tu sais les blagues que tu fais au boulanger qui va le faire rire mais tu peux pas faire une blague genre comme je fais dans le podcast genre ah il met ses couilles dans le... tu peux pas il faut doser quoi essaye non mais il faut doser et moi pareil j'étais incapable de faire ça c'est, soit je faisais des blagues à mes potes ou sur internet mais des trucs assez pointu ciblé mais faire la petite blague un peu inoffensif qui passe partout je savais pas du tout le faire du coup maintenant c'est une telle victoire quand je fais une blague à un chauffeur de taxi ou quelqu'un dans l'ascenseur ou un commerçant tu sais la petite blague genre moi j'ai toujours aimé ça moi j'ai toujours aimé le, parce que mon père qui était un peu alcoolique il m'emmenait au bar quand j'avais 5 ans il m'asseyait sur le zinc tu faisais des blagues. Je parlais avec tous les poivrons en permanence quoi. Vraiment, c'était mes potes, quoi. C'était mes premiers amis, je crois. Les piliers de comptoir, quoi. Ouais, mais ça, c'est génial. Ouais. Mais du coup, tu faisais des blagues et tu. Ouais, ouais, je faisais des blagues avec eux. Ouais. Mais je pense que ce qui joue aussi que je fasse ça, c'est que comme on est que entre gens qui essayent de faire rire, etc. On se fait pas autant rire que des gens qui enfin on est plus dans l'analyse de ah ça bah, c'était marrant et pas. Tout moi je suis ah, pas ouais. Bah en tout cas le constat c'est que vraiment c'est beaucoup plus facile de faire Sicile de minibus je rappelle hein. l'analyse non t'étais plié en deux mon pote c'est vrai, non, genre, t'es chopé à la gorge tu m'as touché sur mon point sensible ouais, mais cela dit moi je trouve que c'est justement les copains on sait ce qui les fait rire on sait aussi où est-ce qu'on peut moi je t'ai cadré une petite imitation de Chirac et je l'ai dans la poche tu vois alors que les gens effectivement que tu connais pas je trouve que ouais c'est un peu du quality voilà moi ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure il y a un truc de bah faut que je fasse une blague qui peut faire rire n'importe qui enfin et qui est pas trop engageante qui est pas enfin tu vois c'est sachant vraiment de la moi, blague mais c'est des... vraiment comme le small talk quoi c'est à dire que le small talk tu vas parler du temps qu'il fait tout ça et je savais pas faire ça et de faire une blague comme ça maintenant quand j'y arrive je suis genre oh. Et les bides sont encore plus kiffants Moi, je me suis pris deux fois deux trois bides avec des gens que tu connais pas, et c'est assez dingue de faire. Moi, ça me détruit. Hein, ah, non, mais parce que souvent, alors parce que moi je. Oui, je... mais après moi bon. Après moi, tout ce que j'ai dans la vie, c'est d'être drôle maintenant. Donc, si je rate une blague. Oui, moi c'est vrai que maintenant que j'ai une fille, je peux faire tous les beats que oui, je veux. Voilà. Je la regarde dans les yeux, je dis c'est bon, j'ai tout oublié. C'est bon, c'est une joke de papa. Je vais juste faire le buzz un petit peu. Est-ce que t'as déjà fait une... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, moi c'est. C'est à double tranchant quand même, parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience. C'est-à-dire que j'ai fait une vanne. La serveuse, c'était dans un bar. Elle a pas aimé la blague. Elle a pas compris ou pas aimé la blague. Je l'ai refaite. J'en ai refait une autre plus de 10 minutes plus tard, 30 minutes plus tard et tout. Et à la fin, elle pensait que je me foutais de sa gueule. Et genre, je ne pouvais plus sortir du truc. Et vraiment, genre, elle voulait plus m'adresser la parole. Et c'était impossible d'en sortir. À sa décharge, tu te foutais sans doute de sa gueule. Non, non, vraiment pas avoir vu faire. Tu lui as donné un surnom de quelqu'un connu à qui elle ressemblait vite fait. Eh, Boujna, tu mets la petite soeur Boujna là. Eh, il est où ton chapeau? Elle a mal pris. Grosse conne. Oui, mais là, Axel, tu l'as littéralement insulté. Et c'était pendant Groom et je me suis mais t'étais au sommet. Non, et quelqu'un était venu voir pour dire ah c'était pas Studio Bagel et tout. Je fais si ouais j'y bosse et tout. Il me fait ah c'était cool ce que vous faisiez. Je fais alors vous faisiez, on est toujours en train en fait. Non mais parce que pour revenir Studio Bagel je connais. Je suis numéro 1 d'intendance. Ah oui, mais c'est ça, t'es numéro 1 d'intendance. Avec voilà, lequel c'est... sketch on peut le vite faire. L'arnaque de Tinder. Avec. Ah ouais, t'as fait un truc là-dessus. J'ai fait. Putain, mais faut que je regarde, moi je suis rien, putain, je suis un désastre. Bah en fait, c'est simple, tu vas sur YouTube, tu cliques sur l'onglet tendance, c'est numéro 1. Et je suis là. C'est un million de vues en 24 heures. Après, moi je suis pas dans les chiffres, hein, mais. Le fait est que tu les connais, mais c'est. Voilà, c'est tombé dessus un peu comme ça. On l'a dit, c'est parce qu'on l'a dit. Ouais, voilà. Vous le savez, Normand et Breton se détestent. Bah si, vous le savez. Ragnar le Breton. Hein ? Bien sûr. Ragnar le Breton, il déteste les Normands. Il conseille des Normands. Et là, en ce moment, les deux régions essaient de ramener un record du monde à la maison. Est-ce que vous savez lequel ? Une coupe, déjà. C'était la blague. Est-ce que c'est un truc d'un. Va te faire foutre. J'ai adoré. Tu sais à qui tu parles ? Tu sais combien tième de tendance je suis, en fait ? Le numéro 1. Tu es 5e ou 6e. Mais pas du tout, mec. Tu peux pas. Attends. T'es 7e des tendances. Non, c'est bien plus haut que ça. 6e ? Tu sais pas. Mais passe la 3e là parce que. Ah non. Donc t'es 3e. Non, ok. Imagine, je sais pas. Ta fille elle est combien dans ton cœur ? Ah, elle est numéro 1. Bah pareil. Ah ouais ! Et t'as sur des bambouilles. Ok. Donc quel est le record est-ce du monde qu'on est sûr de l'alcool ? Non. Alors, tu ne crois pas si bien dire. Je comprends pourquoi t'es allé vers là. Bah, je ne crois pas si bien dire. Ils alors, déjà, pas vraiment, ouais. Mais sûrement. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, ok. La fête. Voilà, on est sur le monde de la fête. Genre une fête qui dure le plus longtemps possible. Non. Mais on est dans le monde de la fête. Ok, on est dans le monde. J'irais jusqu'à dire de la fiesta. La fiesta. La fiesta. Est-ce qu'on est sur tout ce qui est, tu vois, enfin les trucs. Ah putain. Les bignous. un fest-noz. Non mais tu sais genre avec tous les costumes et tout ça quoi. Enfin, non c'est pas ça. Est-ce que le record c'est un nombre de personnes atteint? Oui. Ok. Oh. Bah, j'ai trouvé, c'est bon. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est le record du nombre de personnes. Alors pas la plus grosse teuf. Mais c'est quelque chose qu'on fait en teuf. Un truc de. Ah de danse. Est-ce qu'on est sur de la danse? On se rapproche. Faire une ronde. On est pas loin. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est des trucs de folklore quoi. On est dans le folklore. Ouais, on est dans le folklore. Mais c'est un folklore pas breton ou normand de danse. Ah. Non, mais t'es est-ce qu'on est sur la. Alors, okay. La ronde, on était vraiment très proche. Hein. Un cercle. C'est de la danse irlandaise. Non, pas une danse irlandaise, pas un pogo. Le Hellfest, hein, vous pensez à nous. Un loup-garou géant. Non, pas un loup-garou géant. Okay. Non, vous étiez vraiment pas loin. C'est une heure, le facteur n'est pas passé. 2 heures, le facteur n'est pas passé. Hop, le facteur est passé. Sa femme est le petit prince. Ouais, voilà, bien sûr. Mais chez moi, c'est la pince. Pas chiant. Moi, j'étais parti. Bon, le petit prince. Une farandole là. Enfin, tu sais, genre les. T'es à côté, t'étais aux portes. La queue leu. Une chenille. Ah putain, la chenille. Attends, la queue leu et la chenille, c'est pareil ou c'est pas pareil? Pour moi, c'est la même chose. Soyez précis, s'il vous plaît. Alors, en vrai, à la queue leu. Ah. Je crois que la queue leu leu, en fait, c'est la chanson. C'est un pas peu, un oui, c'est ça. Oui, mais là, c'est... Ah, oui, non, bah, c'est un peu c'est la, c'est la queue leu leu. Et la chenille, à la queue leu leu. À la queue leu leu. Bézu qui doit très bien se marrer là avec Coluche et Dépreuve. Ah oui, il est mort. Tout le monde s'éclate. Bien sûr. La queue leu leu. Donc la queue leu leu, aussi nommée à la queue leu leu, est une chanson interprétée par André Bézu en 87, d'avoir utilisé comme générique de l'émission La Classe. Bien sûr. Cette chanson est devenue un classique des bals populaires et des fêtes de village. Mais tu as bien fait de préciser que l'alcool. Parce que tu ne peux pas oui. faire une chenille à jeun. Bah, ouais, en tout cas, on j'en parle tu peux pas souvent. L'apprécier en tout cas. Non, tu ne peux non. pas l'apprécier. Tu pas. Souffres tu énormément. Tu baisses même un peu la tête. Tu non, écoute, c'est là, en gros, pour le moment, le record est breton, ok. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais, ça voilà. a été battu ouais. à Saint-Brieuc. Combien Alors, il n'a pas encore été déposé par le Guinness Book des records. Ah, ça va être fait. Mais le précédent record était de 390 personnes. Pas tant que ça. Ah pas ouais, tant moi que ça. Je pense que oui, c'était dingue. Oui, mais attention. C'est le pour nouveau. Ça qu'ils ont des... Oui, mais ah, voilà. Le nouveau record était de 1336 personnes. Enfin, ça n'intéresse personne. Ouais, c'est... À se tenir 1003... par les hanches ou la taille dans la rue. Mais 1300 accrochés. Ça devient pas mal. Ouais. Mais attends, parce que ça fait. Ouais, ça fait plus de. Bah, t'as à peu près un mètre ouais. entre chaque personne, donc t'as. La procession a démarré. T'es depuis... sur plus d'un kilomètre, quoi. Ça a été ouais, organisé par mal, un bar, donc c'est pour ça que t'étais pas très loin, tu vois. Ouais, le ça. Bar le fut chantant. À l'initiative de cet événement qui s'est notamment produit en marge du festival Hard Rock organisé dans la ville. Bah, on est en France, putain. Du sauce, du vin et la chenille. Et pour mener cette grande chenille, se trouvait tout devant Arnaud, rennais de 35 ans et vêtu d'un déguisement de licorne multicolore. Alors, oh, nono. Je vais passer du. Enfin, c'est pas totalement du coca. Parce que c'est, ouais, on reste dans le même genre de délire, ouais. mais il y a deux semaines, enfin non, il y a une semaine est sorti le sketch Les tubes de la belle époque. Oh là là, que j'ai écrit réalisé, bon, numéro 2 des tendances. Ouais, nul pour moi, mais. Tu vas être déçu de fou. Bon, le numéro 1, c'était un clip de BTS qui a fait 53 millions de vues en 24 heures. Donc voilà. Oui, et puis je crois que, bon, bah, t'as un peu chié sur la France dans ce sketch aussi, donc c'est pour je, ça. J'ai chié sur mon propre pays. d'après Remplacement TV. du coup, je m'étais documenté sur. Les chansons en gros le thème c'est un peu les chansons on va dire problématiques de l'époque de ouais. l'époque d'antan qu'on a tendance à célébrer en disant c'était la belle époque et en fait il ouais. y avait quand même des trucs un peu bizarres ouais, ouais. et notamment Dorothée qui a fait pas mal de trucs un peu abusés, notamment un sketch où elle est dans une marmite avec des acteurs noirs autour d'elle qui voilà c'est vrai qu'à l'époque et du coup j'étais tombé donc je conseille aux gens de chercher ça un article sur les trucs un peu limites du club Dorothée notamment Jackie déguisé en nazi dans le club Dorothée. Il s'est déguiné en nazi et il a une meuf à chaque bras. Il est genre, il séduit des meufs déguisées en nazi. Et ça passait quoi. Et ça se passait. Il a rigolé à l'époque. Et il y a plein de trucs, et notamment des trucs des musclés. Ouf. Les musclés, ils étaient un peu vénères, hein, moi, je me de mémoire. Des hein. trucs ultra sexistes et tout, ouais. et des trucs ultra bizarres qui mêlaient sexisme. Et c'est pour ça que j'y ai pensé, parce que t'as dit un sauce machin. Ou ouais. Alors, c'est. Ils sont autour d'un lit. Ils disent à l'actrice. Ils appellent l'actrice, Mathilde Amet à les rejoindre. Avec un la saucisson. La vraie Mathilde Amet ? Oui, oui. Ils disent allez, viens avec nous. Et ils ont un saucisson à la main, chacun. Et genre, on va te gangbanger. Je sais pas à quel point le saucisson était des fins sexuelles. On est clairement sur un gangbang. On est sur la France comme on aime, quoi. Ouais. Et il y avait un témoignage. Il rapportait un témoignage de Bernard Minet qui disait que c'était Azoulay, donc de AB Productions, qui disait ouais, au bout d'un moment, on lui a dit calme-toi avec les saucissons. Apparemment, il disait non, mais prenez les saucissons, c'est marrant. Et donc, ils avaient ce truc où ils avaient tout le temps des saucissons dans la main. Et à un moment, Bernard Minet a dit ouais, ça quand même, je regrette un peu. C'était un peu limite. Et t'es gentil, ce Bernard. Et moi, c'était pas une chanson. Il est toujours. Oui, il est pas mort, lui. Non, je crois pas. Non, il est pas mort. Non, c'est. Mais lui. Pascal Praud, il y en a deux. Ouais, ils sont déjà, Pascal ouais. Praud est devenu ce qu'il est devenu. Voilà, on le sait tous. Mais ouais. avant, c'était un journaliste sportif lambda. Et bon, en fait, sans doute déjà raciste à l'époque. Il y a eu un premier indice, puisque, genre, en 95 ou un truc comme ça, j'avais vu dans genre, l'année du zapping, il y avait un truc qui fait. Il lance un magnéto pour un résumé de match de foot, et il fait Le Mans, Montpellier, hier, avec 11 joueurs noirs sur la pelouse, c'est beaucoup. c'était incroyable. Ouais, mais non. C'était incroyable. Et rien. Et rien. Après, à l'époque, attendez. Oui, attendez à l'époque. À l'époque, mais c'est la belle époque. C'était la belle époque. Souvenez-vous de Thierry Roland, c'était le numéro 1. Oh bah, et, bah, lui, il bah, en a lui, sorti des très belles. Et Pépita, elle s'en est pris plein la gueule. Pépita, ouais. c'était ressorti récemment. Oui, mais Pépita avait du coup dit oui, mais non, mais ça me dérangeait pas, tout ça. Ouais, vraiment, ma mère, quand je chiais par terre, elle fait oui, bon, sois un enfant, je nettoie. C'est genre oui, bon. Ouais, Pépita, elle s'en est pris plein la gueule. Bernard Tapie qui avait mis une droite à Pascal Pro, on rappelle. Dans un magasin de vêtements. Génial. Prof pour moi, mais. On espère que ce sera dans le film avec Laurent Lafitte, cette scène quand même, qu'ils la referont. Il joue Rof. Attends. Il joue Tapie, ah. Laurent Lafitte. Il y a une série Netflix qui sort sur Tapie, et ça c'est Laurent Lafitte avec Joséphine Japy aussi qui joue sa femme. Incroyable. Et est-ce qu'il y aura Pascal Pro? Voilà. J'espère. Adrien est chaud pour le jouer en tout cas. Ouais. Dommage. Donc, oui, pour finir sur les Normands et les Bretons. Donc les Bretons ont le record, mais les Normands, on dit on va pas se laisser faire. Ah, mais donc c'est pas Bretons et Normands ensemble. Ah non, c'est versus. C'est versus. Ah, moi je croyais que c'était le combat des chefs. Je croyais que c'est justement la réconciliation. Ils se sont dit eh, venez, on bat le record. Mais non, ensemble. Pas du tout. Putain, merde. Non, ça s'arrêtera donc jamais. Les gens parlent d'Israël et Palestine, mais regarde là, le Mont Saint-Michel, ils sont pas d'accord. Ça, ils sont pas d'accord. Là, ils ont dit les Rouennais ont dit pour le rassemblement des plus grands voiliers du monde au port de Rouen en Seine-Maritime pendant l'Armada 2020. 23, on bat le record. On bat le record. Donc on bat le record. 2000, on leur lance un défi. Faut que vous soyez 2000, sinon c'est la honte. Voilà. Des ambitions bien médiocres. 2000. Oui, bah on sort de 2 ans de Covid, Axel. Hein. Les gens viennent se toucher, se retrouver. Et le petit plaisir de la vie. Oui, ouais, c'est ça. Alors le maire, quand même, des Bretons, là. Le maire des Bretons. Le maire des Bretons. j'ai paumé de Saint-Brieuc, pardon. Le maire de Saint-Brieuc a promis une plaque commémorative en hommage à ces gens. Qui ont à l'entrée de la ville à ces gens qui ont fait une chenille et qui ont battu le record. 2300 personnes. Putain. Voilà. J'espère une statue qui représente chaque personne. J'espère qu'ils déboulonneront Charles de Gaulle pour mettre quand même les gens. L'oreille de Chine n'a qu'à bien se tenir. Chers amis, j'ai dit aux gens que vous étiez invités et ils ont des questions à vous poser. Ah. Typiquement Douli. J'ai adoré les bad guys, je suis allé avec ma fille. Est-ce que tu as kiffé l'expérience du doublage? J'ai adoré ça, c'est génial. Non, vraiment, c'est un vrai. Comment tu t'es trouvé là-dessus d'ailleurs? Mais par hasard, écoute, ils m'ont appelé, ils m'ont fait tester la voix, ils m'ont dit bon, alors ta voix part aux États-Unis, ta voix de Clodo va partir. aux États-Unis et on aura le résultat dans 2-3 jours. Et puis, ça s'est fait assez vite. C'est et fou. Non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment cool comme expérience le doublage. Moi, j'ai en faire d'autres. Ah ouais, non, c'est vraiment chouette. Et puis tu peux vraiment t'éclater. Et puis tu sais, t'es dans un petit truc où on est 3-4, tu vois. Et donc, T'étais avec les autres voix françaises ou pas du tout? Non, malheureusement, on avait tous des emplois du temps, je pense, compliqués. Et puis en plus, je crois que souvent, on le fait séparément, quoi. Ouais. Donc après, on se retrouve pour les trucs de making-of et tout ça, machin. Ouais. Mais bon, en plus, il n'y avait que des chouettes personnes qui ont fait le doublage de ce film. Donc, donc c'était très cool. Ça a été un carton, hein, ça a trop bien marché. Ouais, apparemment, tout, ouais. Non, c'est kiffant. Très marrant à faire. Moi, tu kifferais toi Adrien faire du doublage de films aussi, de dessins animés? Bah grave, j'en avais fait un petit peu dans Batégal et la coupe cosmique. Oui, surtout que t'as quand même je te passe un peu de crème. Voilà, en même temps, il y a du soleil. Numéro 1 des tendances. Ouais, puis il y a du soleil, il faut et te protéger. Numéro 1 des tendances quand même. Non, mais toi, t'as la capacité à changer ta voix en plus, je trouve. Enfin, tu peux faire des petits persos de cartoon. Surtout dans Batégal et la coupe cosmique, je pense qu'on peut vraiment pas savoir que c'est moi, quoi. Parce que je fais une espèce d'ourson. Dégueulasse. C'est vrai que c'est chouette de transformer sa voix. Moi j'aimerais. Ouais, grave. J'avais même. Je m'étais même demandé si je voulais. Parce qu'on peut faire des formations là. Et je m'étais demandé si je voulais pas faire une formation justement de doublage. De vrai, ouais. Ouais, pour être comédien. À petite dose. Formation comédien de doublage et tout. Parce que je trouve ça. Même sur les. Quand je tourne dans un truc et qu'il y a de la post-synchro à faire, je trouve ça trop marrant. Ouais, même agréable, les trucs qu'on tourne pour les pubs avant le floodcast qu'on fait tous les deux et tout, je trouve ça marrant. Je trouve qu'il y a un truc vraiment cool. Tu te lâches en plus, beaucoup plus. Ouais. C'est marrant parce que Jason Brokers qui a amené sa fille à une avant-première, un truc qui n'était pas encore sorti, et il m'envoie un message sur WhatsApp et il me dit mais. J'étais en train de dormir au Cinoche avec ma fille, t'es tous les darons qui en viennent et qui vont roupiller dans le Cinoche. Il me dit ta voix m'a réveillé, c'est toi l'araignée. Quelqu'un qui nous demande, Adrien, est-ce que les floodcasts en public seront mis en ligne ou gardés en exclu pour ceux qui y vont? Écoute, on n'a pas vraiment acté le truc, mais moi je pense qu'on fera pas l'émission en entière, mais l'actu news du floodcast, oui, je pense qu'on pourra la mettre. Ce serait dommage de s'en priver. On va les enregistrer en tout cas, et puis ça, on va voir ce qu'on fait avec. On va voir ce qu'on en fait. Adrien, Bah tiens. Est-ce que tu as d'autres sketchs qui vont sortir là bientôt de sketch show de Mister mais V? Mais seulement des tendances number one. Comptes-tu faire sinon... autre chose qu'être numéro 1 des tendances? C'est la question. C'est ça. C'est non, non. Alors j'en ai. Il y a un troisième sketch que j'ai écrit, réalisé. Pardon, je vais roter. Vas-y, vas-y. Voilà. Oh, je suis déçu. En plus, c'est non, assez bah non. Mais il va pas sortir tout de suite. Ok. Et je pas sûr encore parce que c'est pas moi qui décide s'il sort sur YouTube ou pas. S'il sort sur YouTube, il sera number one. Mais... C'est pas moi qui décide s'il va sur YouTube ou pas. Et s'il sort, ce sera en septembre plutôt. Bah, c'est le taf. Donc voilà, mais voilà. Donc il y en a un. On a hâte, on a hâte. Voilà, bah, c'est le Ivy qui est très marrant dedans, en tout cas. Mais Ivy qui est très marrant. Oui, oui. Attends, oui, mais là, je l'ai. Une de mes indications était hurle un moment. Il était en train de faire un truc, j'ai fait hurle. Bah, le moment dans l'étude de la Belle Époque où ça coupe sur lui, oui, qui est accroupi et qui hurle. Moi, j'ai vu une petite Méliénade. Ouais. Je te cache pas que j'ai vu une petite Méliénade. Axel, si c'est mon père qui essaie de me contacter via ce truc-là, je ne veux pas. Bah, ça serait quand même un super happening, t'avoueras. Ok, bon, j'enlève. Non, je prends une autre question. Axel, j'ai vu le spectacle de Jérôme Miel. Oui. Toi ou la personne qui lit? Les deux, j'imagine. Jean-Claude. Okay. Oh oui. Non, oh là là, il est fort. Sans trop vouloir spulier, est-ce que Bo Burnham ou Albert Dupontel ont été des influences sur la forme? Inévitablement, oui. Sans dire attends, maton ça et alors ce qui est rigolo, c'est que les deux références sont très éloignées sur la forme en plus, mais les deux sont vrais. Ouais. Bah, en tout cas, moi, quand je parle, enfin, si je dois chercher des trucs, en tout cas, qui m'ont plu et que je suis content de retrouver dans ce que fait Jérôme, c'est ces deux-là. Donc, ouais. C'est des belles refs. Ouais, c'est quand même deux trucs pas mal. Ouais. Ah oui. Ouais. Pas son truc dans sa piole, Bo Burnham. Ouais, je suis sur scène. Sur scène. Ouais, bien sûr. Mais je le trouve. Je le trouve le génial. Deuxième spectacle était. Déjà le premier. Le premier aussi, mais le deuxième, c'est franchement génial. Ouais. Et Dupontel, c'était. C'était pareil, c'était. Enfin, à l'époque, je trouvais que c'était. C'est magnifique. Vraiment l'un des meilleurs qui existe. Et j'avais eu la chance de discuter avec lui, parce qu'on avait fait un sketch pour Beagle. Début de saison 2. Et je lui demandais un peu qu'est-ce qui avait fait qu'il avait arrêté. Et en gros, lui, il aimait pas ça, faire de la scène. Il aimait pas. Il faisait ça pour se payer de quoi faire du cinéma, en fait. Et je trouve ça incroyable d'être assez aussi fort sur un truc que t'as pas particulièrement envie de faire. Ouais. Bah, c'est parce que c'est une bête de comédien, c'est ça, je pense, le truc aussi. Mais c'est vrai que belle ref. Dupontel, découvert par Patrick Sébastien. Patrick Sébastien qui avait découvert. Mais voilà, tu vois. Mais on oublie. On critique. Du Jardin. Enfin, c'est nous, mais donc Du Jardin, Salomon, tout ça, Patrick Sébastien. Et Dupontel, pareil, Patrick Sébastien. Lucas Studio aussi. Lucas Studio. Patrick Sébastien. Tahar Rahim, c'est Patrick Sébastien aussi qui l'a vu. Il était un figus sur les sardines, je crois. Si tu zooms sur les sardines, tu vois Tahar Rahim dans un de ses premiers rôles, avant Un Prophète. Question pour les auteurs comédiens autour, est-ce que vous auriez envie d'écrire du cinéma? Ah ouais, je trouve ça chouette. Ah ouais? Ouais. T'as plein d'idées en plus. Il y a mille idées en fait. C'est juste, moi je trouve qu'en plus j'ai l'impression qu'il y a plein de gens comme ça qui ont mille idées mais qui ont pas juste l'oseille ou le truc pour le faire, mais même des inventions, tu vois. Quelquefois tu penses à une invention, un truc débile qui pourrait aider plein de gens, mais juste t'as pas l'oseille, t'as pas les contacts, t'as pas les trucs et tu fais tant pis, c'est pas grave. Mais c'est vrai, je me dis tout le temps, il y a plein de gens créatifs et tout, et on a tous plein d'idées, mais c'est juste que souvent soit le temps, soit le manque de moyens ou de contact, ouais. Tu fais tu zappes mais si t'avais vraiment au moment où tu penses à l'idée tous les trucs, les flux pour même monter le truc, je pense que on serait assez prolifique, hein. Et c'est marrant, moi j'ai presque le truc inverse en ce moment, c'est-à-dire que je travaille pour des trucs où il y a des sous pour les faire, tu vois, qui sont dans des espèces de machines de financement, disons, basiques, mais ça prend du temps et puis des fois ça risque de pas se faire, etc. Tu vois. Et je me dis, et c'est marrant, je pense à ça parce que t'as tourné avec les cavernes des Lépines, et je me dis, mais à quel moment tu te dis, ou alors, je prends une caméra, je prends 5 potes, pourquoi on arrête ça? Enfin, je sais pourquoi on arrête ça, je pense que t'es dans une machine, puis t'as un train de vie, et puis puis tu te dis, non, mais si je le fais avec les règles du cinéma, je serais mieux exposé, mais c'est mieux con, fait. Parce que c'est et vrai en fait, que... ça bloque, et moi je suis là, genre, mais qu'est-ce qui. Enfin, toi, des fois, c'est le truc qui te bouffe un peu. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Ça s'est bien passé le tournage avec Carmen Deleuze. Génial. Parce que maintenant le film est sorti, on peut un petit peu en parler. Ouais, c'est mes amours. En plus, là, c'est cool, ils ont re-signé pour une. Bolloré nous a reconduit sur Roland. Chance. C'est la 30e année, putain. C'est... Ah, ça fait 30 ans. Ouais, 30 c'est 30 ans. Ça fait 30 ans, putain. C'est 30 ans de Groland. Bah, ça y est, ça a dépassé les Guignols, quoi. C'est la plus vieille émission du canal. De Groland. Ouais, ouais, je pense qu'on est la dernière caution canal, quoi. Tu vois, genre, mais c'est même fou, hein. Des fois, tu tombes sur Groland, tu fais, mais. Ouais, ouais. C'est, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, genre, il y a personne qui est là. On est quand même un peu bridé de temps en temps, mais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que non, et puis c'est les derniers punks du truc, quoi, tu vois, et du paf, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment un vrai kiff, et puis c'est des amours, quoi. Et un tournage avec eux d'un long métrage, par exemple, est-ce qu'il y a une large place à l'impro? Est-ce que, au contraire, ils sont assez proches? Non, là, c'était assez écrit. Moi, je sais qu'il y a un truc que j'ai fait en impro qui a pas mal marché sur la scène des flics, là. Ouais, d'accord. Où c'est sorti tout seul. ça n'était pas écrit. mais sinon, oui, c'était assez écrit pour le coup. Ouais. Après, et puis c'est tourné en plan séquence et tout, ouais. Ça. Oui, bah c'est Jonathan qui me racontait ça. Et c'est vrai, quand tu vois le film, un jour il arrive et il se rend compte que sur le plan il y a une lampe qui cache l'intégralité de son visage, mais pendant un long monologue. Et il fait, mais donc on va vraiment pas voir ma tête pendant un monologue? Oui. Et qu'apparemment il déteste les gens contre-champ. Oui, et oui, ils bien toujours sûr. Un peu non, c'est 3-4 prises et basta. Ah, c'est ça. Mais moi j'aime bien, j'avais tourné avec Doyon et ça avait fait la même chose. Donc en fait, il y en a qui n'étaient pas habitués au plan séquence. Moi j'ai plus tourné en plan séquence que l'inverse. Ouais, donc du ça. Coup. Mais c'est vrai que. Et puis Jonathan et Vincent et les filles, c'était vraiment des super comédiens. Ouais, votre trio, c'est vraiment. En plus, ce qui est rigolo, c'est que le groupe de filles du film, ouais. la promo n'était pas sur ça. Alors qu'en vrai, vous êtes les. Enfin voilà, vous êtes souvent là, ouais, quoi, ouais, c'est trop cool. C'est marrant, ouais. Vous êtes vraiment liés à l'intrigue principale. Ouais, puis c'est une chouette équipe. Il sort en VOD dans pas si longtemps, je pense qu'il est sorti. Ouais, il est sorti en avril. Oh, mais... Regarde, moi j'ai pas la télé. Ouais. C'est déjà un miracle que j'ai internet. On vous redira. on vous redira bientôt. Est-ce que vous avez des recommandations culturelles à proposer aux gens, des trucs que vous avez aimés récemment, que ce soit. Bah du coup pas à la télé Douli, mais non. On se sera plutôt dans la musique, voilà. Vas-y, alors bah non, allez-y, vas-y Douli, vas-y moi je vous avais parlé de Douzkawa bien sûr la dernière fois, et j'avais reçu des tweets de gens qui avaient découvert grâce à toi et qui remerciaient. Ouais. Ah cool, parce que moi je venais de le découvrir et vraiment du coup bah il est venu voir le spectacle et tout, on a discuté ensemble et c'est un super mec, et du coup bah je suis allée regarder plus de trucs de lui, et donc il a vraiment des textes vraiment incroyables, et même des musiques et des instrus de ouf, et du coup il a monté un groupe qui s'appelle Soleil Noir. D'accord. Avec d'autres gars que du coup j'ai découvert grâce à ça aussi, un mec qui s'appelait Swift Guide, Swift Gad, et le gars je l'avais vu en concert à Montreuil en fait avant de rencontrer Douzkawa. Okay. Mais du coup je l'ai redécouvert grâce à Douzkawa, et donc Swift Gad, Soleil Noir, il y a Swift Gad, Davodka, James Sophonic, lui je le connais pas mais je vais aller voir ce que ça dit. Très bien. Mais en fait ils sont pleins à faire ça, et c'est vraiment chouette, quoi. Okay. Et vraiment, et c'est toujours le même style, si on peut rappeler aux gens qui n'avaient pas écouté, c'est un peu le même style, et c'est pas complètement pareil, hein. Ils ont chacun leur style à eux, mais tous ils ont des textes et des instrus vraiment chouettes, et puis tu sais c'est un peu le rap d'avant, quoi, tu vois, moi j'aime bien le rap à l'ancienne, quoi. Ouais. Et donc c'est vraiment chouette. Authentique avec un K, on y revient. Authentique avec un K. Allez écoutez ces mecs là, mes petits culs, parce que vraiment ils déchirent. Très bien. Adrien? Alors moi c'est un truc que j'ai découvert ce matin, dites-vous. C'est tout frais. C'est un mec qui est sur YouTube. Sa chaîne s'appelle Channel 5 with Andrew Callahan. Okay. C-A-2-L-A-G-H-A-N. Et c'est un mec la vingtaine en gros, et il a une formation de journaliste à la base, enfin il a fait des études de journalisme, et en fait très vite il est parti un peu sur les routes des États-Unis à la rencontre des gens un peu originaux, marginaux, etc. Ah, c'est chouette. Et en fait maintenant c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il vit, il est avec deux potes à lui, un qui est genre producteur, enfin qui a le rôle de producteur, l'autre qui est cadreur. Et ils vivent dans un camping-car, quoi. Et ils traversent les États-Unis. Ils vont et ils font des vidéos. Donc, il a commencé en faisant des trucs très humoristiques et tout ça. Et maintenant, ça devient vraiment du truc du journalisme documentaire, un peu dans le genre de ce que fait Louis Serroux par exemple. Okay. C'est chouette. Et c'est trop bien. Et il va aussi bien à des rallyes pro-Trump que à des genre il y avait une réunion d'église satanique, enfin où il va voir les gens, et il parle aussi bien aux chrétiens qui protestent enfin qui oui qui proteste devant côté, le truc et puis il va voir les gens et il va voir les satanistes et puis ben il leur enfin il les fait pas enfin il fait parler tout le monde. À quoi ressemble Satan exactement? À quoi ressemble Satan? Mais non, il leur gueule ou il est très non il est pas justement. Mais Nico, est-ce qu'il est aussi il évite d'être complaisant, enfin il est ni dans l'un ni dans l'autre, il est pas complaisant. Lui son but c'est de juste en fait justement, alors d'ailleurs il y a un documentaire de Vice sur lui, okay, qui s'appelle Documenting America's Underbelly, okay, qui dure 23 minutes, donc ça c'est un bon peut-être point d'entrée pour voir ce qu'il fait. Et non, son truc c'est vraiment justement de parler le moins possible, tendre le micro. Le truc qu'il dit le plus souvent c'est What's on your mind. Il va voir les gens, il dit What's on your mind. Et en fait les gens ils parlent, en fait ils ont, il y a pas besoin de. Ouais, c'est Where is my mind déjà. La chanson des Pixies, ça n'a rien à voir. Non, mais et en fait chouette, il fait parler les gens, il les laisse parler les gens aussi. Ouais, bah ouais, toi, il est pareil lui et moi. Personne qui dit le duzou. Et c'est vachement intéressant. Il est allé aussi en Ukraine pendant la guerre là, parler aux gens. Faire parler les gens, les Ukrainiens sur place. En gros, les news qui nous parviennent, elles sont parfois teintées aussi par la propagande et tout ça. Donc lui, son truc, c'est aussi d'aller voir ce que les gens disent et pensent sur place et tout ça. Donc c'est intéressant. Et je sais pas, il y a un état d'esprit assez cool. Enfin, c'est vraiment trois mecs jeunes qui sont un peu, mais vraiment. Ils ont vraiment l'énergie que t'as à cet âge-là, vraiment et de petite nostalgie. J'avais pas du tout cette énergie. Et puis en fait lui c'est un mec, il dit il a pris trop de champi quand il avait 13 ans. Du coup, il a un peu des séquelles au niveau neurologique et tout. Et donc, mais il dit, et en gros, il dit que justement de et que du coup, il avait besoin de vivre des trucs un peu extrêmes et d'être dans l'aventure un peu tout le temps pour justement essayer de combler, pallier ce truc un peu. Donc c'est assez, mais il est, ah, c'est chouette, c'est un mec, il est clairement brillant et tout. Enfin, c'est vraiment vraiment chouette quoi. Il y a plein de sujets, plein de ralliements qu'il va voir, il couvre tout un tas de trucs, donc c'est vachement intéressant. Et sinon il y a le jeu Tortue Ninja qui est sorti sur Switch aussi. Donatello. Ouais. Shredder's Revenge, là, un beat'em up qui est sorti il y a 2 jours, qui est marrant, voilà. Mais c'est le truc à Switch, PC, le truc à la Mega Drive un peu. C'est un beat'em up 2D. Donatello qui s'était quand même bien fait ken, hein, parce qu'il avait quand même Donatello, un bâton. Il y a des couteaux, c'est ça la classe, tu vois. Le gars il a un bâton et voilà. Il a pas besoin d'artifice. C'était un peu le plus intelligent de la team. Leonardo, le Geekos, c'était pas le Geekos. C'est Leonardo. Et Donatello, c'était quoi? Parce que Raphaël, c'était le blouson noir, le vénère. Je l'aime pas. Ouais, Donatello, c'était lequel? C'était le cerveau, quoi. Ouais, Donatello était classe. Moi, je l'avais en figurine, enfin en petite poupée plastique. Dans ma tête, je crois que c'était le Geek aussi, moi, Donatello. Moi, c'était Leonardo, c'était plus le cool, quoi. Enfin, le leader cool, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le cool, c'est Michelangelo. Moi, j'étais Michelangelo quand j'étais petit dans ma tête. Ouais, moi aussi. Mais maintenant, je suis Raphaël. Moi, j'étais après le Il est devenu insipide, je suis désolé. Arrête. C'est badass. Qu'est-ce qu'il a de arrête, bien Arrête, il est lui, il est vénère. Badass. D'ailleurs, on peut incarner Splinter et April O'Neil dans Maître Splinter. Moi, c'est Maître Splinter qui me saoulait. J'avais vraiment un truc de ta gueule. En plus, il mangeait toutes les pizzas. Mais c'est ça, et en plus, il y a un truc de on n'a pas besoin de toi. Oui, super, la sagesse, allez, tais-toi. Bah, tu rigoles, c'est lui qui les a formés, t'es malade. Bah, il les a formés, mais justement, la figure paternelle, faut la tuer au bout d'un moment. En leur montrant des photos du musée Grévin de merde, là. C'est vrai que t'es quand même en train de lui faire un coup d'enfoiré. Mais... parce que. Je vais t'expliquer. T'imagines, c'est le Père Noël fois. Mais non, pas du tout. Mais oui, c'est ça. En plus, sur 20 ans, pour après lui dire c'était pas vrai. Tu n'as vu personne. Moi, elle va détester. Ce que j'ai hâte, c'est son œil de t'as tenu une vanne sur 20 ans, pas si ouf. Et ça, je sens que ça va être notre liaison à ma fille et moi. C'est un peu comme j'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Tu vois, notamment parce que tu es un enfant et tu ne dois pas consommer du tabac. Ce serait mieux. Axel. Je peux parler de Severance. Alors sur, dis-nous. Sur Apple TV+, qui est produit et réalisé par Ben Stiller. Ah, j'en ai entendu parler. Et qui est, c'est interprété que par des pointures. Okay. Vraiment. Genre le 44. Ouais, principalement. Le 45. Et en gros, c'est une, le 46. C'est une dystopie sur une entreprise qui sépare les souvenirs personnels et professionnels de ses employés. Et ça bouscule le spectateur, si tu veux, avec un suspense haletant. T'es en train de lire tes Je m'explique. Je l'ai pas vu. C'est la, c'est la critique du Parisien, mais on me l'a recommandé. Voilà, c'est magnifique. Voilà. On me l'a recommandé aussi, mais moi je crois que j'ai c'était pas au début. J'ai écrit au début, et sur la fin, tu. Ouais. Bah, sur haletant. Sur haletant, tu m'as perdu. Personne dit haletant dans la vie. C'était haletant que j'ai dit. Mais il y avait pointure déjà comme indice de regarder. Non, un truc que t'as kiffé. Et tu vois que ça n'a choqué personne, malheureusement. C'est vrai que là, on y était quand même. Que j'ai vu récemment, que j'ai kiffé, c'est Coupé d'Azanavicius. Ah oui. Alors, c'est dur de dire c'est génial parce que c'est vraiment un remake très fidèle. Ouais. Donc, la partie géniale vient de l'original. Ouais. Mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, l'ensemble, c'est-à-dire le film français et japonais. Ultra ludique à regarder, vraiment, enfin vraiment, très je kiffant, trop bien, très ouais. kiffant. Ouais, ouais, ouais. J'ai maté le, moi du coup, j'ai pas vu couper, mais j'ai maté sur les conseils de mon neveu qui m'a dit regarde l'original, du coup qui s'appelle One Cut of the Dead. Voilà, c'est et c'est vrai que c'est vraiment un chouette film, quoi. C'est assez fou. En fait, c'est sur couper, je trouve qu'il a quand même rajouté quelque chose lié au fait qu'il ait fatalement plus de budget, plus de thunes. Parce que ce qui est cool avec la version en plus asiatique, c'est que c'est vraiment fait par des étudiants à la rage. Ça raconte ce que c'est, quoi. Ça, c'est assez fou. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que Azanavicius, et c'est en ça je trouve que c'est vraiment un de nos meilleurs réalisateurs en France, Michel Azanavicius, que c'est un vrai auteur, mais comme Carmen Delépine, comme Dupieux, qu'on aime ou pas, enfin, c'est des gens qui ont quand même une patte méga reconnaissable. C'est que il parle beaucoup de lui dans ce film, mine de rien, de Azanavicius. Oui, c'est vrai, parce qu'il a rajouté sur la famille, j'imagine que c'est. Et c'est joli, je trouve, ce qu'il rajoute sur la famille, sur l'amour du cinéma que tu transmets à tes enfants. En plus, c'est ses enfants qui jouent dedans. Enfin, il y a tout un espèce de truc assez joli sur les nouvelles générations et ce qui est un peu aussi le cas des nouvelles générations qui vont faire du cinéma, à savoir avec un truc un peu plus. Ouais. On a tous grandi avec des caméras dans les mains, etc., etc., avec les téléphones. Et ça, j'ai trouvé que c'était un chouette apport, quoi. Le curseur mielleux, un tout petit peu. Mais poussé. Moi, j'ai une gosse, alors j'adore maintenant. Il y a le truc avec sa fille et tout dans l'original. Ah ouais, mais je trouve que c'est plus poussé. C'est plus poussé. Il y a une scène que j'adore où Duris joue donc c'est spoilé un petit peu. Je peux pas trop en dire. Mais je savais pas qu'il y avait Duris dedans, donc déjà super. J'ai tout gâché. Je vais vous recommander un film aussi, mais moi il est pas tout jeune, puisqu'il y a Jean-Luc Trintignant qui est décédé il y a peu de temps. Ouais. Et il y a un film qu'il a fait que j'adore. Alors évidemment, il y a les classiques qui sont toujours cool à voir, que ce soit L'Arme Fatale 4 avec Jean-Luc Trintignant, évidemment, Le Retour du Jedi avec Jean-Louis Trintignant, ainsi que Rabbi Jacob. Non, le Un homme et une femme, évidemment. Moi, je trouve que c'est un film. Ça s'appelle Un gars, une fille. Désolé, je sais que t'es calé, mais là, grossière. Je me suis réutilisé, putain, c'est vrai. Donc, Un gars, une fille avec Jean-Louis Trintignant. Non, donc Un homme et une femme. En fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps à vouloir le regarder parce que j'avais un a priori de ça va être chiant, tu vois, et ça va être un vieux film. Moi, le jeu Tortue Ninja, j'avais un a priori au début. Excusez-moi, t'es un panneau solaire. C'est moi en fait. T'as vu comme la chaleur te donne de l'énergie. T'es un panneau solaire. C'est un feu d'artifice, il est en train de terminer un apéro. On fait plus jamais de podcast en hiver, chérie. Oh la vache, le soleil, j'ai lui. Plus de mal à faire le singe en hiver, c'est vrai. petit raffiné. Non, mais c'est, il y a de la culture. Donc, un homme et une femme. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, le sinoche. Un homme et une femme. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à vouloir le regarder parce que j'avais peur que ce soit chiant et que ce soit parce que c'est un des premiers films de Claude Lelouch, etc. Et ça a vraiment pas vieilli. Et je l'ai vu, j'avais 20 piges, donc. Il faudrait que je le voie. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Mais il y a un de mes films préférés avec Jean-Luc Trintignant, et c'est même un de mes films préférés tout court. C'est un film qui s'appelle Le Grand Silence, qui date de 1968, de Sergio Corbucci. Et il y a que des pointures et c'est haletant, hein, Axel. Mais c'est Sergio Corbucci, c'est celui qui a fait par exemple la saga, les vieux films Django que Tarantino a derrière a fait le remake et tout. Il a fait, c'est, on parle beaucoup de Sergio Leone, a raison, c'est un des grands réalisateurs de western, mais Sergio Corbucci, c'était très dark en fait. C'était vraiment le western glauque, et Le Grand Silence par exemple se passe intégralement pendant l'hiver. Et il est incroyable dedans, Jean-Louis Trintignant, il est méga classe et tout. Et vraiment, je vous invite à voir le film. Classe, hein, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de classe, mais en plus, ce qui est fou, c'est qu'il a de la classe jusqu'au bout. C'est-à-dire que même dans Amour, qui moi est un film que je peux pas trop regarder parce que c'est vraiment trop glauque là pour le coup, c'est un film de Michael Haneke et c'est vraiment c'est pas les films les plus, il y a pas le bêtisier pendant le générique, tu vois ce que je veux dire, mais dedans il est toujours extraordinaire. En plus moi je trouve que même quand il est, quand sur la fin de sa vie, il a une espèce de truc qui apporte la vieillesse, de sagesse qui est folle. Il a fait un bouquin comme avec Splinter, donc comme j'aime bien Splinter. Non mais il a fait un bouquin qui s'appelle Dialogue entre amis avec un gars qui était son pote pendant 60 ans, un réalisateur dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais le bouquin est super parce qu'en fait il parle pendant 60 ans donc avec tout ce qu'a vécu Jean-Louis Trintignant, et on sait qu'il a vécu des trucs quand même pas simples. Donc là, donc Le Grand Silence, c'est un western, et en plus il y a c'est sorti récemment en Blu-ray dans une très très belle édition. Et je sais que même si vous avez MyCanal, là j'ai vu hier, je traînais sur MyCanal. Tu me regardes, chérie. Parce que je sais que t'adores ça. La bière et MyCanal. Toujours pas moi. Non, mais sur MyCanal, tu fais le geste de la télé, comment je suis un ringard. Sur MyCanal, les gens le savent pas dans le podcast, mais je fais le geste de la télé, quoi. J'ai vu qu'ils avaient mis plein de films de Jean-Luc Trintignant et j'ai vu qu'il y avait Le Grand Silence. Ah, donc, trop voilà. Bien. N'hésitez pas à le mater, le rythme est particulier, mais c'est vraiment un très beau film. Et sinon Z hein, de Costa Gavras quand même, c'est aussi un chef-d'œuvre. C'est le biopic de Zemmour. De Zemmour où Jean-Louis Trintignant joue Zemmour. Zemmour. Voilà. Il refait la scène de BFM avec le flingue. C'est incroyable. Donc voilà. Merci les amis. T'as très bien parlé du film et t'as donné envie de le mater. Eh bah, malheureusement, ça m'a pas motivé. J'étais perdu à 1968. Je reviens juste. Effectivement, Donatello c'est le geek et Leonardo le chef. C'est pas pour vous que je le dis, c'est pour qu'on m'envoie pas. Ah. 30 DM pour me dire tu t'es trompé. Oui, je me suis trompé. Voilà. Il recevra tout de même. C'était bien Zao en revanche, le chanteur qui chantait Moustique. Voilà. Zao. Dernier petit tour de table. Douli, donc il y a ton spectacle, tu vas le jouer en province bientôt. Ouais, je vais partir un petit peu en tournée. Et puis il y aura quelques exceptionnels à l'européen à partir d'octobre. Trop bien. De par mois, le super, mardi à 21h30. C'est pas un horaire qui est forcément. Voilà. Mais. Venez mes petits culs. Mais oui, mais d'ailleurs, tu m'offres une transition toute trouvée parce que Jérôme Miel, c'est à 21h30 à l'européen aussi. Absolument. C'est à 21h30 et 19h30. Il y a plusieurs horaires, mais jusqu'au 27 juillet à Paris, effectivement, et ensuite à partir d'octobre dans toute la France. Donc exactement. On aura peut-être la chance de le voir mourir sur scène avec la chaleur, du coup, Jérôme. Écoute, ce soir, c'est possible. Ouais, ouais, c'est ça. Faut, hein. Faut venir ce soir. C'est non, faut venir. Fallait venir il y a deux jours, les gars. C'est enregistré lundi. Ouais. Et ben, les jeunes, vous n'êtes pas allés assez voter. Vous êtes vraiment. C'est votre planète, les gars. Les vieux, ils vont mourir. Bah, bien sûr. Adrien. Numéro 1 d'attendance. Ouais, bien sûr. Bah, donc deux sketchs que j'ai écrits et réalisés pour MST qui sont sortis. Donc, il y en a un qui s'appelle Les tubes de la belle époque et il y en a un qui s'appelle L'arnaque de Tinder. Ouais, et ça j'ai hâte. Bah écoute, on me l'avait un peu survendu, moi, l'arnaqueur de Tinder. Du coup, j'étais un chouïa déçu. Ouais, moi, je l'ai vu. Moi aussi. Mais, moi, je l'ai vu. Mais j'ai hâte de voir, du coup, la version du numéro 1 des tendances. Bah, du coup, peut-être un peu survendu aussi. Moi, j'ai vraiment regardé le documentaire juste pour. Parce que je savais que je devais faire ce truc. Qui a quasiment pas une parodie en vrai, hein, mais bon. Ouais. Et sinon, Visitors. Oh, c'était magnifique. C'était vraiment. J'ai adoré. Bah, ah ouais, hein. Ouais. Putain, j'ai. Génial. Un compliment en plan, ta gueule. La gueule de Simon, c'est lui le mastermind. Non, tout. Ouais. Même moi. Oui, parce qu'on me voit par petite. Par petit bout, c'est très bien. Je précise parce que c'est une private joke, c'est juste que Axel, il y a quelques années, m'avait fait un super compliment. Il m'avait dit : mais toi, t'es bon en acteur, mais vraiment quand on te voit vraiment à petite dose. Quel génie. J'avais dit : ah, cool. Ouais, bah, du coup, t'es servi. Non, c'était pas en opposition au fait que quand t'es présent, tu n'es pas excellent. C'était le fait que. Récemment, je crois que c'est un peu la vie des gens aussi, mais dans la vie. C'est comme le mec qui est pas bourré qui dit je suis pas bourré. Enfin, qui est bourré qui dit je suis pas bourré. Ouais. Bah, moi, sinon, bah, non, non, c'est tout. Oh, ouais. Je vais pas redire les mêmes trucs. Non, mais vous savez où retrouver. Juste, je, attends, si, la bonne auberge. Ah oui, c'est passé, il s'est passé deux, trois trucs. J'ai complètement oublié d'en faire la promo par le passé. Ouais. Mais on a quand même fait un financement participatif pour être indépendant pour la saison 3. On a récolté 130 000 euros. Ouais, ouais. Ouais. Mais... Et du coup, ça veut dire qu'on va. Enfin, Lucien, c'est. Et l'équipe, son frère, l'équipe, on va avoir un studio. Lucien, mais... On va avoir un studio où on va pouvoir tourner les épisodes. Celui de Lucas ou pas du tout? Pas celui de Lucas. Ah, ok, non, moi, non, je croyais. Lucas Studio. Okay, okay. Patrick Sébastien a refusé. Ok, d'accord. Oh là là. Non, non, Donc, on va avoir un studio où on va faire, entre autres, bah, filmer les épisodes, mais eux, ils vont filmer d'autres trucs, ils vont s'en servir comme atelier. Génial. De peinture. De... Donc, ça va être trop bien. Et. Donc bah déjà merci à tous les gens qui ont participé, c'est fou. Et puis du coup j'annonce que dans le Floodcast, parce que ça a déjà été annoncé sur les canaux de la Bonne Auberge, bah, qu'il y aura une saison 3 de la Bonne Auberge et qu'on va, qu'on va tourner pas de saison 3 de Groom. Non, de Groom non, malheureusement. Sauf si YouTube bon, après le fait qu'ils aient fermé YouTube Originals peut-être ça, est ça un joue. Indice sur le fait qu'il y a peu de chance. Mais sinon, on peut peut-être faire une Cobra Kai. Hein, un crowdfunding, en vrai. C'est un peu plus que 130 000, par contre. Ouais, non, mais un Cobra Kai. Netflix rachète les droits. Ouais, ouais. Hey, Netflix. Alors, Elfes, voilà. Ouais, Netflix. Netflix, bah, rachète les droits de gros, mais on fait une saison 3, quoi. Voilà. Je suis numéro 1 en étant, si ça peut vous aiguiser. C'est dans la balance. Eh bien, quant à moi, les vacances, là, hein, déjà, un petit peu. Ouais. Non, mais j'ai fait aussi un peu de MST, il y a un sketch, mais je crois que pour le coup, c'est en septembre, donc il sort vraiment pas tout de suite. Et non, la tournée de Baptiste Le Caplin, oui. Qui va reprendre en octobre. Donc, je sais qu'il fait un peu de. Il fait Nantes, il fait Saint-Brieuc, et il va venir à Paris. La queue le que tu vas avoir. La queue le de ouf. Pour l'accueillir. Et non, il va faire Paris à partir au Théâtre de la Renaissance, en plus, super théâtre. Il est beau, ce théâtre. Il est très très beau à partir du 12 octobre. Ça s'appelle Voir les gens. Ce sera le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi entre le 12 et le 29 octobre. Donc bah, n'hésitez pas à prendre vos places. Moi en plus, je pense que j'y serai assez souvent aussi. C'est un spectacle qu'on a écrit ensemble où il parle de plein de choses, de sa vie personnelle et pas que. Il y a plein de choses. Voilà. Bah, merci les amis. Merci. À très bientôt. Salut. Au revoir, bisous. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.